Bonsoir à tous et bienvenue dans Coupin comme cochon numéro 5. 4 Numéro 4 Numéro 4, consacré à Harry Potter. Ce soir, autour de moi, Morgane. Bonsoir, Morgane. Bonsoir à tous. Mathilde. Bonsoir, Mathilde. Allô. Adrien. Bonsoir, Adrien. Bonsoir, Jules. Et je serai votre hôte pour ce soir, Jules. Alors, de quoi on va parler ce soir? Donc, de Harry Potter. Ah bon? Je savais pas. Tu savais pas? Mais avant ça, on va faire quelques petites news. D'accord? Ben oui. Ah, d'accord. Alors, on a tous préparé des dossiers... Enfin, sauf moi. Non, mais... On a tous préparé des dossiers brûlants. De délicieux dossiers. Brûlants. Oui. Chaud. Mais avant tout, les news. C'est moi qui commence. C'est toi qui commence. Très bien. J'avoue que j'ai eu un peu de mal à choisir, moi, le sujet de ma news, parce qu'il y a beaucoup d'actualités en ce moment. Pas mal d'actualités musicales. Il y a un nouvel album Dead the Drive-In, par exemple. Et il y a une actualité... en matière de série qui est assez foisonnante avec Fargo, The Leftovers, Doctor Who, Twin Peaks qui recommence, un peu le bordel. Mm. Mais il y a deux semaines, là, je suis allé voir Alien Covenant au cinéma et vraiment, on peut pas y couper. Oui. Alien Covenant, c'est du film dont on ne doit pas prononcer le nom. Prometheus. Oui. Jules. Alors, je tiens... Oui, c'est la suite de Prometheus, mais on évite de prononcer son nom. Ça réveille des souvenirs. Parce que moi aussi, je suis allé voir Alien Covenant. Je crois que nous avons à peu près le même point de vue sur la question. C'est une purge. C'est nul. Et pour l'occasion, j'ai revu Prometheus. C'est vrai que c'est un très bon film. C'est catastrophique. Mais au moins, on attend Alien Covenant après le désastre de Prometheus. Mais je me disais, ça pourra pas être pire que Prometheus. Pourquoi tu te fais du mal comme ça? Quoique, effectivement, c'est pas pire que Prometheus, faut pas exagérer, c'est tout aussi mauvais. C'est à peine moins mal écrit, les personnages sont tout aussi débiles. C'est un film qui fait pas peur, c'est un mauvais film Alien, ce film n'a rien à foutre dans la saga Alien, il part dans un délire créationniste complètement débile, c'est n'importe quoi. Mais c'était déjà le cas dans Prometheus où il était en mode « Avez-vous la foi, professeur Shaw? Est-ce que vous croyez en Dieu ?» Machin, il y avait plein de trucs. Là c'est pareil. Et d'ailleurs, la seule qui survit à la fin de Prometheus, c'est la seule qui... Qui avait une croix, machin. Non, elle avait pas une croix, elle avait un clou. Si, elle avait une croix. Et non, elle avait clou, c'est dans Covenant. Elle avait des souvenirs avec son père, de Dieu ou je sais pas quoi. Non, c'est naze. Ouais. Non, le problème de Prometheus, c'est que le délire créationniste était très très mal assumé, je trouvais. Là, il est beaucoup plus assumé, ce qui permet de voir dans toute sa globalité à quel point ce truc est complètement naze et complètement repose sur de la merde, en fait. Enfin, c'est... Je sais pas quoi dire, en fait, sur ce film. C'est naze, c'est pas très bien écrit, ça fait pas peur, alors même qu'il y a alien qui est là. Et, enfin... c'est affreux parce que les personnages... sont dans l'espace pour installer une colonie, mais ils ont la responsabilité de beaucoup de personnes, de beaucoup d'investissements financiers comme humains sur eux. Ils prennent des choix complètement à la con. Sont aussi débiles que dans Prometheus. Oui, ça fait au moins 200 ans qu'ils vont vers la planète à coloniser. Mm-hmm. Et là, à 500 mètres au dernier moment, il y a une planète qui est mieux là, venez, on va là. Je sais pas pourquoi. Et ils débarquent sans casque, oui, YOLO, sans casque, tout va bien. C'est pas son fort, la logique en fait. Enfin, peut-être qu'il se fait trop vieux, tout simplement. Moi, je pense qu'il est sénile, ouais. Ouais, non mais Ridley Scott vieillit mal. Très mal. C'est terrible. Bah il a fait quoi de bon depuis Gladiator? C'était mauvais Gladiator déjà. Moi j'avais vu Seul sur Mars aussi, vraiment. C'était vraiment de la merde. Ça va, j'ai bien aimé Seul sur Mars. Bah c'était pas ouf, mais bon. C'était pas n'importe qui quoi. Aurait pu réaliser ça. Enfin, parce que là il y a eu toute une série de films dans l'espace, etc., la Gravity et tout. Ouais, et je trouve que Seul sur Mars, il se prenait moins au sérieux, et du coup c'était plus. Plus drôle, ouais. Mais en plus, c'est vrai, mais, scène... mais je trouvais que c'était pas cohérent justement avec le thème du film. Le mec, il est seul sur Mars, il doit bader, tu vois. Mais justement, en fait, c'était non, un peu, c'est un feel-good movie. Enfin, bon, voilà, j'étais pas convaincu. C'était le parti pris du film. Ceci dit, il y a une scène qui vaut vraiment le coup, je pense, dans Prometheus. Oui. C'est une scène hautement homoérotique. Non, c'est dans Alien Covenant. Ah, Alien oui. Covenant. Pardon. Alien Covenant. En gros, il y a deux persos. On va pas vous spoiler. Enfin, si, on va vous spoiler. On va vous spoiler parce que franchement, ça n'a aucun intérêt d'aller voir ce film. C'est deux robots qui sont fabriqués sur le même modèle. Et il y en a un qui vit seul tout sur sa planète depuis une dizaine d'années. Ouais, plus que ça même. Ouais, plus que ça. Il a les cheveux qui ont poussé, t'as vu? Ouais. D'ailleurs, c'est bizarre que c'est un androïde qui a les cheveux qui poussent, voilà. qui ressemble à Christophe Lambert dans Highlander, d'ailleurs. Donc, ce robot a découvert le plaisir de la création, de la composition musicale. Et donc, il s'est mis à jouer de la flûte. Mm-hmm. Et sauf que le deuxième robot, à qui il a envie d'apprendre à jouer de la flûte, il a perdu une main. Donc, il lui met... la flûte à bec dans la bouche, et il lui dit texto: You do the blowing, I'll do the fingering. Yeah. Alors, en traduction... Très, très légère connotation sexuelle. C'est, très c'est à peine remarquable. Pour les non-anglophones, c'est tu souffles, je ferai le truc avec les doigts. Mais on peut le traduire d'une autre manière, c'est tu me suces, et moi je te mets des doigts. Ouais, ouais bah oui, parce que blow, blow job, c'est... C'est une pipe, ouais. Bon, bah, c'est tout sur Prometheus, c'est un très mauvais film, n'allez pas le Alien voir. Covenant, encore une fois. Alien Covenant. Pour les deux. Oui. Les deux sont, c'est les deux sont. Bref. Ouais, mais pour c'est moins pire. Allez. Non, non, vraiment. Moi, je vais vous parler d'une série que j'ai découverte sur Netflix. J'avais pas envie de la regarder parce que le film à l'origine était mauvais. C'était Dear White People. Et en fait, la série est excellentissime. C'est-à-dire que dès le premier épisode, j'étais très très accrochée. Ouais, j'étais hooked. Mais je voulais pas le faire parce qu'après, t'allais faire une connaisse d'anglophone. Mais du coup, en fait, ça se passe sur un campus américain, donc d'une grande université. Et en fait, ça parle de racisme, mais ça en parle bien parce que ça montre les deux côtés. C'est fin, les dialogues sont excellents, les acteurs sont super. La mise en scène est incroyable, c'est très beau à regarder. Et j'aime bien parce que au début et à la fin de chaque épisode, il brise le quatrième mur en regardant le spectateur, un peu pour l'interroger de ce qu'il vient de voir, pour qu'il se pose des questions. Mais tu ne dis pas ce que ça raconte. Le problème, c'est que j'ai peur de spoiler. Ça raconte pas vraiment grand-chose. Ça tourne autour d'une personnage principale qui s'appelle... je sais plus comment, j'ai Sam, vu deux épisodes. Elle s'appelle Sam White. En fait, elle anime une radio sur le campus. Et en fait, tout commence... quand des membres d'un journal organisent une soirée qui a pour thème les blacks. Et en fait, du coup, ce que font les étudiants blancs, du coup, c'est qu'ils se déguisent comme des blacks. Et en fait, ça veut dire qu'ils se mettent de la peinture. Ouais, ils se mettent de la peinture. Ils se déguisent en noir, tu vois. Sachant, ouais, tout, c'est ça. Sachant que le blackface, ça s'appelle le blackface ou le brownface aux États-Unis, c'est tabou. Enfin, on le fait pas. Et d'ailleurs, elle dit, vous pouvez, je vous donne des idées pour Halloween. Vous pouvez vous déguiser en pirate ou en infirmière, mais moi, je ne suis pas un déguisement. Ouais. En fait, je suis une personne. Et le problème quand vous faites ça, c'est que vous montrez une caricature, vous montrez un thug. Et il y a des personnes qui en souffrent vraiment, vous renforcez un système préexistant, en fait. Et en fait, cette série, je pense pas qu'elle parle vraiment de racisme, elle parle plutôt de post-racisme, entre guillemets, tu vois. Parce que c'est plus du racisme comme il y avait dans les années... jusque très tard, tu vois, dans les années 50-60 aux États-Unis où vraiment, genre, on pendait des noirs à des arbres. Encore aujourd'hui, tu vois, mais c'est un racisme qui est beaucoup plus subtil, beaucoup plus difficile à dénoncer aussi, tu vois. Ouais. Et c'est... Moi, franchement, j'ai vu que deux épisodes. À la fin du premier, moi, j'ai pleuré, je crois. Hein. Ouais. Ah, c'est super fort. C'est super fort, ouais. Et puis surtout, c'est subtil, c'est ça que j'aime. Il y a une myriade de personnages qui sont tous. Ils ont tous leurs défauts, ils ont tous leurs fragilités. Et moi, ce que je recherche vraiment dans une série, c'est des personnages bien écrits, avec une psychologie, et là vraiment on retrouve ça. Et il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup émue, c'est qu'il traite de la brutalité policière, qui est vraiment un énorme problème aux États-Unis envers les Noirs. Et dans la série, c'est traité dans une scène coup de poing, qui est vraiment bouleversante, parce que, je sais pas comment dire, mais il faut vraiment la regarder, cette série, parce que je sais que ça peut être décourageant quand on parle de sujets aussi difficiles, comme le racisme ou je sais pas, le machisme, enfin la misogynie, tout ça, c'est vrai que c'est des sujets lourds, on entend déjà beaucoup parler, on en a un petit peu marre, on a un peu envie de regarder une série pour penser à autre chose. En plus, féminisme et sexisme et racisme sont des luttes qui, même si elles n'ont pas du tout les mêmes victimes, ont exactement les mêmes manières de fonctionner. Ouais. On sera raciste comme on se fait. C'est vraiment intéressant sur la aujourd'hui, tu vois. On se rend plus très agréable à regarder. Ah ouais, c'est vraiment un bon moment, ça va vous faire réfléchir et voilà. C'est noté. Alors moi, je vous parlais d'un bouquin que je suis en train de lire, que j'ai presque fini, qui s'appelle Les Garennes de Watership Down de Richard Adams. C'est son premier livre, il est sorti en 1972 et ça raconte l'histoire de lapins, en fait, des lapins de garenne dans la campagne anglaise, qui sont obligés de partir de leur maison, leur garenne, car elle va être détruite pour construire un complexe immobilier humain. Les lapins parlent entre eux, mais ne sont pas anthropomorphisés, ils ont pas une logique extrême, et malgré tout, ils répondent à leurs pulsions. Et donc voilà, ça raconte le périple de cette petite bande d'une dizaine de lapins qui vont partir à la découverte du vaste monde. C'est super bien pour plusieurs raisons. Alors, moi, je le rapprocherais du style de la fantasy. Parce que ça raconte une épopée de lapins, mais ça n'a pas du tout la lourdeur qu'a habituellement la fantasy, où il y a des grandes dynasties de rois, de politiques, d'intrigues politiques un peu chiantes. Vu que c'est des petits lapins, ben ça passe très bien. Et le gigantisme du monde, cet appel à l'aventure, est sacrément renforcé parce que c'est des petits lapins face au vaste monde. Donc quand ils font un kilomètre, t'as l'impression qu'ils ont parcouru une distance fantastique, pleine de rebondissements, d'aventures, etc. Est-ce qu'ils voient des humains dans leur truc ou pas? Est-ce qu'ils ont des interactions d'une manière ou d'une autre? Non, ils ont. Non. Bah, si ils ont des interactions, c'est-à-dire se faire tirer dessus. Ok. Mais ils ne communiquent pas entre eux. Ils font quand même. Les humains sont un obstacle, ou en tout cas un élément de leur environnement. Oui. Okay. Et ils ont tendance à s'en éloigner. Ouais. Donc ces lapins ont leur légende, toute leur mythologie, et c'est super bien retranscrit. Je vous en parle aussi parce que il va y avoir une série Netflix de 4 épisodes sur ces petits lapins d'animation. Il y a toujours une série Netflix pour ça. Elle va sortir dans pas longtemps, parce qu'elle est prévue pour 2017. A priori, nous sommes en 2017, avec les voix de James McAvoy, John Boyega et Nicolas Hoult. Ah, sympa. C'est celui qui joue... dans Mad Max, il fait... Le chauve, le Warboy. Ah oui, d'accord. Nux. Il y avait déjà eu un film qui s'appelait La Folle Escapade, sorti en 1978, qui est un film qui est absolument génial. Je l'ai vu, mais je me suis arrêté au moment où j'arrivais, parce que le bouquin est mine de rien d'une taille conséquente, il fait 500 pages. Mais le film, lui, qui fait son heure et demie, coupe au bon moment, en fait. Il va pas garder toutes les scènes d'exposition... gratuite entre guillemets, il va vraiment garder la moelle substantifique du livre, quitte à avoir des scènes violentes, parce que les lapins se font prendre dans des pièges, il y en a un qui se fait déchiqueter, etc. Oh mon dieu, je pourrais pas lire ça, moi je pleurerais tout le temps. Mais c'est en mode, c'est lourd, hein. C'est vachement bon le lapin. Non, salaud. Surtout le foie de lapin. Et donc voilà, je vous conseille absolument de lire Watership Down, et j'en profite pour dire que ce livre vient d'être retraduit. Parce que l'ancienne édition était un peu naze, par les éditions Monsieur Toussaint Louverture. Monsieur Toussaint Louverture, c'est une petite maison d'édition qui ont sorti jusque-là une dizaine de bouquins, dont Et quelquefois j'ai comme une grande idée. Un classique de littérature américaine qui avait encore jamais été traduit et qui est, pour moi, qui est mon livre préféré. Donc c'est comme ça que je les ai découverts. Donc soutenez cette maison d'édition parce qu'elle fait des traductions de qualité, des ouvrages... Si elle ne les traduisait pas, on les traduirait pas. C'est une petite maison de passionnés. J'ai eu un problème un jour sur un bouquin, je leur ai envoyé un mail, ils ont été super sympas, j'ai discuté avec eux même de littérature et c'était super plaisant d'avoir ce contact avec incroyable. Eux. Donc achetez ce bouquin et lisez-le. Mais moi ça me rappelle un bouquin que j'avais lu quand j'étais petite sur des rats. Je crois qu'on en avait déjà parlé, où en fait c'était des rats qui vivaient dans les égouts, et donc du coup tu découvrais tout le système politique des rats, avec les dominants, justement leur quête d'un nouvel endroit, leur relation de couple et tout. Enfin, c'était pour enfants, mais c'était déjà super cool. Mais là aussi, ça peut parfaitement être lu par des enfants. Il y a des scènes un peu dures, mais ça va, c'est pas de la violence gratuite. Ouais, de toute façon, les enfants lisent des trucs généralement pas cool, quoi. Genre la comtesse de Ségur, quand elle tue tous ses animaux de compagnie, c'est assez... Spoiler. Ouais, ça... pardon. Mais de toute façon, un enfant, c'est pas con. C'est... Je sais pas. Ouais, hein. C'est quand la dernière fois que t'as interagi avec un enfant? Non, mais il faut pas les prendre pour des débiles, c'est ce que je veux dire. Ouais. Mais ouais, des bouquins ou des livres comme ça, il y en a... ou des films comme ça, il y en a eu plein. Il y a eu Brisby, le secret de Nîmes, qui était aussi un peu dur. Mmh. T'as eu la série des Rouges Murailles, qui était une série de... pas de fantasy, mais de littérature moyenâgeuse avec des petites souris. T'avais un truc avec des chats aussi, qui était super bien, mais je me souviens plus. Avec des chats? Ça me tente, les trucs avec des chats. Ouais, mais c'était super stylé. Bon. Je déteste les chats. Non. Morgane, malheureusement, n'a pas... Enfin, malheureusement. Heureusement, n'a pas de news, parce que le dossier s'annonce très très chargé. Ouais, c'est vrai. Off we go, Léon. Yes. Donc alors, pour une petite introduction, je pense que on est tous un peu au courant des bails, mais on va quand même faire un petit topo sur J.K. Rowling. Un point J.K. Rowling. Un point J.K. Rowling. Donc en fait, Joanne Rowling, qui avait des parents instruits, qui a fait des études de français et de littérature antique, qui a enseigné à la Sorbonne. Ah ouais ? Elle a été professeure d'anglais, ouais. Ensuite, donc elle a pas mal voyagé et elle a eu l'idée d'écrire Harry Potter à peu près au moment où sa mère, on a diagnostiqué qu'elle avait une sclérose en plaques. Et d'ailleurs, elle a basé les personnages des Détraqueurs, les Dementos, par rapport à sa dépression suite à l'annonce de la maladie de sa mère et à sa dépression suite à sa mort. Donc ensuite, elle s'est mariée avec un homme au Portugal. Ça s'est pas super bien passé. Elle est rentrée en Écosse avec sa fille. Elle a vécu dans un petit appartement. Elle vivait à des allocations. Elle était vraiment honteuse de tout ça parce que c'était une femme très instruite. Elle regrettait de ne pas pouvoir enseigner, etc. Et en fait, elle écrivait son bouquin parce que ça, dans des cafés. Parce que le seul moyen pour que sa fille puisse s'endormir, c'était de la balader en poussette. Et donc, du coup, elle la baladait en poussette, elle allait dans un café et elle écrivait Harry Potter. Et en fait, elle a tout écrit. Elle a écrit le premier chapitre et le dernier chapitre du septième immédiatement. Ah ouais ? Ouais, elle avait tout prévu. Mais je sais pas si vous connaissez cette théorie selon laquelle il y a deux types d'auteurs. Il y a les architectes et les jardiniers. C'est-à-dire que tu peux avoir le jardinier, il va planter sa graine. Il va l'arroser, il va regarder un peu comment ça évolue, mais il va se laisser surprendre par son œuvre. Donc ça, on peut parler notamment de J.R. Martin, celui qui a écrit Le Trône de Fer, alors que J.K. Rowling, c'est une architecte. C'est-à-dire qu'elle avait tout prévu, les personnages qui allaient être influents, les liens qu'ils allaient avoir entre eux, où son histoire partait et où elle allait s'arrêter. Donc elle a écrit son bouquin plus ou moins d'une traite, en fait, en se dépêchant, parce qu'elle avait trouvé un travail et elle voulait le finir le plus vite possible. Elle a eu du mal à trouver un éditeur, mais quand elle l'a trouvé, il lui a dit que ce serait bien qu'elle trouve un pseudo, parce qu'il ne fallait pas que ce soit une femme, parce que c'était moins vendeur. Donc elle a décidé de s'appeler J.K. Rowling. Et voilà, ça a eu le succès. Elle a hésité avec Joanne du 6-9, non ? Non. Et maintenant, c'est la femme la plus riche d'Angleterre. Ouais, ouais. Bah ouais, elle a une fortune à 500 millions de dollars. Si ça vous intéresse plus, tous ces trucs jardinier, architecte, sur les écrivains, je ne peux que vous conseiller le livre de John Truby, L'anatomie du scénario, qui en fait dissecte tout ce qu'on utilise pour faire un scénario et donne des leçons pour comment faire des bons scénarios. Et je développe tout ça, les théories en 5 actes, puis en 22, puis avec les actes indispensables, les actes pas indispensables, les quêtes morales des héros, l'évolution, etc. C'est un très bon livre si ça vous intéresse, donc je vous le conseille, voilà. Moi je voulais faire un petit tour de table avant qu'on rentre sur les dossiers pour qu'on parle chacun de notre livre préféré et de nos personnages préférés, si ça vous dit. Oui, complètement. Vas-y Morgane, vas-y. Commence. Alors moi déjà, au niveau du livre, du coup je différencie vachement livre et film quand même. Ouais, ouais. Donc mon livre préféré, je dirais que c'est le 6. Ah ouais. Parce que il met vachement en avant mon personnage préféré qui est Rogue du coup. Et puis c'est là que du coup il y a un peu le, enfin c'est le personnage qui est quand même pour moi le plus fini, qui est le plus complexe. Quand t'as vraiment commencé les livres, quand ça a commencé, tu te dis pas du tout que ça va être un gentil. Je trouve vraiment que c'est un gros FDP. Ouais, c'est un gros fils de pute, tu le détestes, comme les personnages, quoi. Alors que en fait, finalement, c'est assez gros une fois que tu l'as en droit. J'ai une anecdote assez cool sur ça. Je les garde pour plus tard. Et en plus, je trouve que dans les films, en tout cas, Alan Rickman a extrêmement bien joué ce rôle et je trouve qu'il est hyper bien fait. Même s'il était deux fois trop vieux par rapport au personnage. Mais je trouve que la posture. Si, parce qu'ils sont censés. Parce que Lily et James ont eu. Ils ont le même âge que Rogue et ils l'ont eu à 20 ans. Donc ils sont censés avoir la trentaine, bien tassé. Or, Alan Rickman, il avait la cinquantaine. Il avait la cinquantaine, ouais, c'est ça. Ah, pas faux. Et dans les livres, c'est le 6. Et dans les films, je pense que c'est le 5. Parce que c'est le moment où ils se rebellent un peu. Moi, j'étais un peu ado, tu sais. Donc ça m'avait complètement. Oh là là, ils font leur petit groupe, machin. Ils commencent à avoir les intrigues amoureuses. Enfin bref. Donc il m'en fallait pas beaucoup plus. Et voilà. Ouais. D'accord. Et toi, Jules ? Moi, mon livre préféré, c'est le 1. Ouais. Parce que je les ai lus jusqu'au 5, puis ensuite, je vous avoue que ça m'a un peu saoulé. Et le 1, c'est mon préféré parce qu'il est complètement enchanteur, en fait. C'est vraiment un un livre pour enfants dans le bon sens du terme. C'est un conte, pas... ouais. Une voilà, fable un peu. C'est un conte, une fable. Et je trouve que tu voyages avec les personnages. Il y a une invention à chaque page, de... vraiment de la magie dans les phrases. Ce que je trouve que tu perds au fur et à mesure jusqu'aux derniers épisodes où j'aime bien dire qu'on peut remplacer les baguettes magiques par des mitraillettes. Ouais, mais ça, c'est dans les films. Ben, j'ai pas lu les livres parce qu'ils m'ont saoulé, parce que c'était trop dark. Ouais. Justement, moi, la période rebelle, elle m'a un peu, ouais, moins, elle, je un peux peu, comprendre. Un peu moins touché. Et moi, mon personnage préféré, je pense que c'est Dobby, parce qu'il me fait marrer. c'est tout aussi con que ça. Le maître a donné à Dobby une chaussette. et toi, Adrien? Moi, fun fact, Harry Potter 1, c'est le premier roman que j'ai lu de ma vie. Non. J'avais 7 ou 8 ans et ça faisait 300 pages. Pour moi, c'était le bout du monde et tout. Je vais lire un bouquin qui fait 300 pages. Waouh, incroyable. Et donc voilà, je suis rentré dans Harry Potter comme ça. Mon bouquin préféré, je pense que... je suis rentré dans Harry Potter comme ça, c'est pas mal. ouais, c'est pas grave. C'est pas drôle. Blague sexuelle. J'avais vraiment l'esprit mal tourné. Bref, excusez-nous. Hein. Oui. Excusez-les. Mon bouquin préféré, je pense que c'est le 4, parce que c'est celui dans lequel il y a le plus d'aventures. Oui, ouais, c'est vrai. Il y a plus de péripéties, t'avais l'histoire de tournoi des Trinations, machin. Ouais. C'était incroyable, il se passait plein de trucs complètement fous. J'ai lu ça quand je devais avoir, je sais pas, 10 ans, un truc comme ça. Bon, par 10, contre, c'est la plus mauvaise adaptation. Ah ouais, par contre, j'ai essayé de regarder le film il y a 2-3 jours. On parlera des adaptations juste après. ouais. Mon film préféré, c'est le 5, comme Morgane. Ça aurait pu être le 6, mais pas du tout. Mais non. mais pas du tout, pour des raisons que je vais avoir la chance d'évoquer plus tard, je pense. J'ai pas vraiment de personnage préféré, en revanche. D'accord. Pour moi, il n'y a aucun personnage qui ressort, qui sort du lot, vraiment. Harry Potter, je pense qu'on va l'évoquer tôt ou tard, c'est une histoire d'amitié, et finalement, il n'y en a pas vraiment un qui va au-dessus des autres et qui est plus intéressant que les autres, ou plus fini que les autres, tu vois. Je trouve que Harry Potter, par rapport à Ron et Hermione, tu vois, il n'est pas au-dessus, tu vois. Même si le bouquin s'appelle Harry Potter, finalement, c'est Harry, Ron et Hermione, l'histoire. Tu vois. C'est ce que j'allais dire, même Harry Potter, en soi, est quand même archi naze comme perso. Hein, quoi ? Par rapport aux autres. Quoi ? N'allons pas jusque-là, mais... Il est un peu insipide. Enfin, mais non. Je trouve, moi. Je trouve que par rapport aux autres personnages, du tout. Il manque de quelque chose. En plus, c'est pas vraiment un héros pour moi, vraiment. Ah d'accord. Ouais. Mais vous êtes fous, en fait. C'est Morgane, non ? Non, moi je suis d'accord avec Morgane. Harry Potter, il a... franchement, à chaque fois qu'il a rien pour lui, en fait. Ouais, c'est ça, moi je suis assez d'accord. Il a pas non plus un courage monstrueux, c'est juste que c'est... Non. C'est juste que c'est l'élu et que voilà, il était là au bon moment. Ensuite, quand il passe il passe son temps à sécher, donc il est même pas brillant, pas bien. Et à chaque fois qu'il sort à chaque fois qu'il passe des examens, il s'en sort avec un twist à la con, parce qu'il a pas appris ses leçons. En plus, tout tourne autour de Harry Potter. Non, mais en fait, ce que vous comprenez pas, c'est que Harry Potter, c'est un garçon qui a énormément souffert dans sa très petite enfance. Il est profondément traumatisé, il a perdu ses deux parents, il a été maltraité pendant les premières années de sa vie. Donc en fait, c'est quelqu'un qui est incomplet psychiquement parlant. Enfin, il a souffert, il est trop... Enfin, je sais pas, enfin, comment tu peux dire ça de tous les personnages d'Harry Potter? Mais absolument pas. Complètement d'accord avec Ron Mathilde. Ron, il a eu des parents qui l'aimaient, il a une famille. Je sais pas, moi, Hermione, je pense à Luna, par exemple. Elle a beaucoup plus de profondeur alors qu'elle a vécu un truc terrible. Bah, elle a juste perdu sa mère alors qu'elle a eu un père aimant. Elle a juste perdu sa mère. Non, mais Harry, Tu vois, la réplique, selon moi, qui résume le mieux Harry Potter dans toute la saga, c'est le moment où je crois que c'est dans le 5 ou le 6, je sais plus, Dumbledore qui dit à Harry. Je sais plus quel personnage dit à Harry. Je crois que c'est sérieux. Bref, peu importe. Il lui dit, Harry, tu n'es pas une mauvaise personne, t'es une bonne personne à qui il est arrivé de mauvaises choses. Alors que pour moi, le truc qui résume bien, c'est quand Harry Potter dit lui-même, tout ce que j'ai fait, c'est pas moi qui l'ai réussi, j'ai juste eu des coups de main, quoi. Bah, et ça, je trouve que c'est hyper vrai. C'est peut-être le cas. Et toi, Mathilde, quel est ton livre préféré? Quel est ton personnage préféré? Mon livre préféré, c'est le 4e. Je me rappelle que... je ressentais tout comme Harry, en fait. C'est-à-dire que quand il s'angoissait parce qu'il n'avait pas de nouvelles de Sirius, j'avais une boule au ventre. Quand il est monté sur l'éclair de feu la première fois pour combattre les dragons, mon cœur battait la chamade. Enfin, j'étais vraiment très fusionnelle avec les bouquins. Je ne voulais pas les lire de base. C'était ma mère qui m'avait dit « si, si, vas-y ». Et ce que j'aime dans Harry Potter, c'est qu'on a grandi en même temps que lui, en fait. Enfin, complètement. On avait 9 ans quand on a lu le premier, et c'est une expérience que notre génération a pu avoir comparée aux autres. J'en parle dans mon dossier sur la politique dans Harry Potter. Mon personnage préféré, c'est... aussi, très bien. Mon personnage préféré, c'est Albus Dumbledore, parce qu'à chaque fois qu'il était là, je ressentais du soulagement, parce que c'était un peu le père tout-puissant, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais... Si, c'est le dès qu'il était là, tu sais que ça va bien se passer. Ça va bien se passer, ouais. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'à sa mort, j'ai réveillé ma mère à 3h du matin en pleurant hystériquement, parce que j'étais en mode... et elle m'avait dit, mais c'est un livre, et j'étais en mode, mais tu comprends pas. Et en film, j'adore les 2/7, enfin, le 7 et le 8e, ne serait-ce que pour la bataille de Poudlard. Qui, ah oui, non, mais en fait, je pleure dès le début du générique. Et vraiment, j'adore ce bouquin. Mais il y a beaucoup de gens qui ont pleuré à la fin du 8, même si, enfin voilà, c'est pas enfin, le film est chouette, mais je me souviens de la séance, c'était pas une des premières, mais c'était 3-4 jours après que le film soit sorti. Tous les gens qui avaient à peu près notre âge, donc aujourd'hui 22, 23... 26 pour Mathilde. Était en pleurs parce que c'était tout un pan de leur enfance qui s'est fini. On l'avait vu avec deux potes et on avait pleuré pendant une heure après. On était allé se prendre une glace et on pleurait dans notre glace, quoi. C'était. Ah non, mais quand j'ai vu le dernier, moi j'ai fait une bonne dépression d'un mois pour m'en remettre vraiment, quoi. C'est clair. Bon, bah on va passer au dossier d'Adrien qui est sur quoi, Adrien? Moi, j'aimerais vous parler de la question de l'adaptation à travers la technique d'Harry Potter. Car oui, Harry Potter, c'est à la fois une grande saga littéraire et une grande saga cinématographique. Donc la question, c'est même d'ailleurs la saga probablement qui a amorcé ce mouvement d'adaptation de littérature fantastique un peu enfantine. Un peu young adulte. Un peu young adulte. Jeune. Non, c'est pas du young adult. Le young adult, c'est Twilight. Non, mais ça va avec Twilight, Hunger Games, etc. C'est pour ceux qui sont sortis de la période de latence, entre guillemets. Quoi. Et ce qui est incroyable avec Harry Potter, c'est que c'est une réussite parce que, à la fois, la saga littéraire a eu beaucoup de succès parce que c'était des bons livres et ça a très bien marché. Et en même temps, la saga cinématographique qui allait derrière. C'était des super films, et donc du coup, ça a enchanté tout le monde. Le casting restait le même pendant toute la série. Ça, c'est super chouette. C'était incroyable. Il n'y a pas eu un problème avec les deux acolytes de Malfoy parce qu'ils, parce qu'ils ont dit mais du shit. Dumbledore, d'ailleurs, le Richard Harry, c'est mort. Hein. Oui, ah oui, ouais, c'est ça le problème. Dumbledore. Mais je trouve que le premier Dumbledore, il faisait un peu trop Père Noël. Il n'avait pas assez de charisme. Complètement. En fait. Je déteste le deuxième Dumbledore parce qu'il est totalement out of character. Genre, par exemple, dans le quatrième, quand il lui dit « Est-ce que tu as mis ton nom dans la coupe de feu ?» Et il le secoue. Mais non, alors mais que justement. Dans le bouquin, Dumbledore, il est très calme, il le regarde. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il lui dit « Est-ce que c'est toi qui as mis ton nom ?» Et voilà, pour moi, c'est ça le vrai Dumbledore. C'est pas une espèce d'hystéro. Mais non, mais au contraire, il a beaucoup plus de charisme. Ouais, il a plus de charisme. Non, tu vois, le Dumbledore de Richard Harris, c'est le Dumbledore de Conte de Fées, tu vois. Mais non, ouais, c'est le Père Noël, vraiment. Est-ce que t'imagines vraiment Richard Harris faire le combat à la fin de l'épisode 5 contre Voldemort, tu vois? Complètement. Pas du tout. Le mec était avec sa grande robe, il avait un chapeau pointu, putain. Non, ça n'allait pas être un sorcier. Non, mais justement, d'ailleurs, ils ont abandonné les chapeaux pointus très rapidement parce que c'était ridicule. Non, moi j'aime pas à partir du moment où il porte des vêtements de moldu, ça me sort complètement du truc. Ouais, pareil. Justement. Mais d'ailleurs, fun fact, sur le premier Dumbledore, donc celui qu'on voit dans le 1, en fait l'acteur était déjà complètement sénile. Et donc le jeune Harry, enfin Daniel Radcliffe, lui amenait sa petite couverture, son petit goûter, et lui soufflait les répliques. Est-ce qu'il les oubliait sans arrêt parce que ce pauvre vieux était aux portes de la mort. Voilà. Voilà. C'était tout. Donc l'adaptation d'Harry Potter, le fait d'être passé du livre au film, globalement c'est une excellente réussite parce que Harry Potter, les films, sont à la fois des bons films et des bonnes adaptations. Oui, les deux premiers, et puis après, non. Non, alors non. Si, quand même. Là pour le coup, il va y avoir un débat parce que personnellement je trouve que Harry Potter, les films, ont réussi un très bon équilibre entre d'un côté la fidélité à l'œuvre originale et de l'autre côté, le fait d'aboutir à un résultat, à un objet purement cinématographique, complet et qui tient tout seul, tu vois. Mais même hors de ça, j'ai envie de dire, la qualité d'un film, au final, la fidélité à l'œuvre originale, on s'en fout, tu vois. Quand même. Moi, je suis d'accord. Ce qui fait un bon film, c'est pas le fait d'avoir respecté scrupuleusement le moindre détail de l'œuvre d'origine, tu vois. Sinon, ce serait une purge, tant t'imagines Le Seigneur des Anneaux bien respecté. Ouais, c'est clair. On se rappelle quand même que, pardon, Le Seigneur des Anneaux, les 300 premières pages, c'est l'exposition, tu vois. C'est l'enfer. On se fait chier à mourir. Attends, il y a 3 pages sur les pieds velus des Hobbits. Mais justement, c'est pour ça que j'aimais bien le fait qu'ils aient découpé le 7ème en deux, c'est parce qu'ils pouvaient découper les étapes crucial du bouquin, alors que par exemple le quatrième, c'est le bordel. Le quatrième, il est très mal adapté, mais je pense pas que ce soit un problème. Non, je suis pas d'accord, tu vois. Il est vide. Il est très très vide par rapport au bouquin, en fait. Genre, tout le truc des elfes, il est complètement passé à la trappe, alors que c'est hyper important. Il y a plusieurs trucs, tu vois. Il faut se dire, est-ce que le fait de respecter scrupuleusement le bouquin et d'en reprendre tous les éléments, est-ce que ça fait vraiment un bon film? Bah, je pense pas, tu vois. Je suis d'accord là-dessus. Hein. Mais c'est vrai que par exemple, le 1, c'est celui qui est le plus fidèle. C'est le plus fidèle, et personnellement, c'est le film que j'aime le moins, tu vois. Ah, moi, c'est mon préféré. Non, il est bien quand même. Franchement, il y a 1h30, il y a 1 heure d'exposition, franchement, on s'emmerde. Génial, justement, t'es pris dans le truc. Il faut rappeler que c'est un film pour enfants, et c'était avant que la moyenne des films, ce soit de 2h15, 2h30, il dure quand même 3h. Le premier dure 3h. Non, je l'ai revu il y a pas longtemps, il dure 3h. T'as dû voir l'extended cut, hein. Ouais, non, parce qu'il y a aucune scène que dont je me souvenais pas. Ah ouais. Non, il dure 3h et vous voyez. Les films ont coupé ce qu'il fallait, tu vois. Ouais. Typiquement, le truc des elfes de maison dans le 4 ou le 5. Ah, quand même. Franchement. Ça apporte rien à l'histoire en plus. Ça apporte vrament pas grand chose au personnage d'Hermione qui est déjà suffisamment développé comme ça. Mais non, justement, il y a un problème avec Hermione, c'est qu'ils ont zappé tous ses défauts. Dans les bouquins. Ah non, elle est chiante. Au début, elle est chiante, mais après, elle est vraiment parfaite, quoi. Elle est lisse. Alors qu'en fait, elle a aussi ses défauts. Donc, c'est celle qui save the day à chaque fois, alors qu'elle fait quand même des crises pour rien. Enfin bref. Je trouvais que c'était un peu too much. Mais on peut parler des acteurs si on parle des adaptations, rapidement. Parce que moi, je trouve honnêtement que Daniel Radcliffe et Rupert Grint, jouent comme des pieds. Non, le pire, c'est Emma Watson, quand même. Non, avec ça va pas te dire des choses pareilles. Oh, Harry. Un à la fois, s'il vous plaît. Oh, Harry, qu'est-ce qui te tracasse? Jeu de sourcils, c'est chiant, quoi. Non, moi, je pense qu'on va tous être d'accord sur le pire acteur choisi, je pense que c'est Ginny. Oui, ils ont détruit Ginny, c'est un poisson mort, cette actrice. Vraiment, elle n'exprime rien. Mais même le personnage, globalement, dans les films, il n'est pas traité. Et tu sais, quand ils se font des bisous, on dirait deux cousins qui se touchent. Complètement. C'est affreux. Mais par contre, au niveau des acteurs adultes, le casting est incroyable. Je pense que tous les acteurs collent vachement au personnage. Oui. Tous les adultes, tous les profs, c'est vraiment bien. Non, moi je trouve que Daniel Radcliffe est particulièrement... D'ailleurs, les trois gamins sont particulièrement mauvais dans le 1 et le 2. Mais oui, c'est terrible. Jeunes. Mais ils étaient tout petits. Non, en mais vrai. Même, franchement, même. Ah non, c'est... Quand tu vois Daniel Radcliffe dans le 1 faire « Je suis un quoi ?» Oh, mais moi j'aime bien. Tu es un sorcier, Harry. Je suis un con. Ils ont 10 piges. Franchement, deux claques au lit, quoi. On dirait Anakin Skywalker dans La Menace Fantôme, tu vois. Non, mais en plus, il fallait parier sur le fait qu'ils allaient grandir bien et tout. Et ça, franchement. Même, franchement, Daniel Radcliffe, jusque dans le 6-7, c'est clairement pas ouf, tu vois. Quand tu vois Daniel Radcliffe jouer dans une autre série qui s'appelle. Young Doctor's Notebook. Franchement, il est carrément plus au niveau. Ou dans Swiss Army Man. Ouais, carrément, tu vois. Là, il est carrément plus au niveau. Enfin, il occupe beaucoup mieux l'écran. Il joue beaucoup mieux ce personnage. J'adore ce mec, il a tellement d'humour. Vraiment, on sent vraiment que là, derrière Cliff, soit il n'a pas réussi ce qu'il voulait faire passer, il n'a pas travaillé son rôle, tu vois. Pour le coup, j'aime pas le Harry des films parce que je trouve qu'il est moins compliqué que dans le bouquin. Oui, il nous fait déjà bien assez chier avec ses torticolis en bleu, avec la colorimétrie en bleu et en noir. Oui, mais ça, c'était très mal adapté. Je fais des rêves qui me font souffrir. Ah, donc il y a des plans sur mon cou, plein de sueur. Ça, c'est réussi, c'est bien. Il y a eu le problème aussi, en fait. C'est le 1 qui est trop chiant parce qu'il est tout lisse, il se passe rien. Enfin. Mais c'est un conte pour enfants. Mais on s'en fout que ce soit un conte pour enfants. Même si c'est un conte pour enfants, c'est... Il y a eu le problème sur le fait qu'il était trop grand. Et du coup, dans le 5, il a un coup immense. Mm-hmm. Enfin, vraiment, dans les premières scènes, il a un coup très, très, très, très grand parce qu'ils sont, ils ont pas réussi à bien adapter la taille. C'est assez marrant. Dans les premières scènes, c'est assez marrant. Il y a eu beaucoup de réalisateurs aussi qui ont changé. Hein, oui, parce que les deux premiers, c'était Chris Columbus. C'était Chris Columbus qui avait fait... Je sais pas quoi. Mais je crois qu'il avait surtout fait des films pour enfants, tu vois, à mon avis. Il avait pas fait Gremlins? Non, c'est pas lui. Mais si. Mais à mon avis, c'est pour ça qu'il a été choisi au début, c'est parce qu'il avait fait des films pour enfants, et clairement, il a fait des films si, pour enfants, tu vois. Mais c'est pas trop mal démerdé hein, sur les deux premiers. Par contre, Alfonso Cuarón, que j'avais adoré. Le troisième, c'est une pure. Ah, je l'adore. Il est horrible. Vraiment, je l'ai revu récemment et j'ai eu beaucoup de mal. Top. Moi, je trouve que vraiment, c'est celui où la mise en scène est plus intéressante. Et la plus intéressante. Mais pour le coup, j'avais adoré Les Fils de l'Homme, mais dans Harry Potter, c'était... T'as pas vu Les Fils de l'Homme ? Non. Incroyable, un des meilleurs films de ces dernières décennies. C'est le premier Harry Potter où il y a vraiment une mise en scène qui était intéressante, tu vois. Parce que, objectivement, le 1 et le 2, la mise en scène est vraiment bof, tu vois, c'est vraiment plat, il se passe pas grand-chose, on dirait un film de George Lucas, tu vois. Non. Enfin, dans le 3, t'as une scène, t'as ce moment-là vers le début du film où ils sont dans un bar... Et t'as Arthur Weasley qui va voir Harry Potter pour lui parler de Sirius Black. Mmh. Et t'as les affiches de Sirius Black avec Wanted. Qui sont très mauvaises qui d'ailleurs. Qui sont sur les murs. Mais le travelling est pas mal. Et t'as un plan séquence à ce moment-là, tu sais, où Arthur Weasley se déplace avec Harry et lui dit écoute, je vais te parler de Sirius, machin, ça se passe comme ça. Et au fur et à mesure où ils se déplacent, ils sont de plus en plus dans l'obscurité. Mmh. Et t'as l'affiche de Sirius Black qui envahit de plus en plus le cadre. Et à la fin, ils sont complètement enfermés entre deux murs. Tout est devenu sombre, tu vois. Enfin, il y a une vraie mise en scène qui colle vraiment avec ce qu'ils sont en train de dire, tu vois. Et c'est vraiment le premier film où il y avait vraiment un effort de mise en scène qui était un peu plus développé. Et c'est d'ailleurs le 3 aussi où le paysage autour de Poudlard devient un peu plus réaliste et arrête de ressembler à un Grindelwald, tu vois. Il y a t'as des pentes, c'est un peu montagneux parce que t'as des cailloux pour descendre à la maison d'Hagrid, des trucs comme ça. Tu vois la forêt interdite dans le 1 et le 2, c'est tout plat, t'as des arbres tout petits qui sont hyper espacés, c'est une forêt qui fait pas peur du tout, tu vois. Mmh. Alors que tu prends la forêt interdite dans le 7, à la fin, quand Harry va voir Voldemort, t'as des arbres énormes, c'est une forêt qui fait beaucoup plus peur, tu vois. C'est vraiment, il y a eu vraiment un progrès de mise en scène dans ce cas-là, et quand Jules se moque du fait que... il y a des tons noirs, c'est un peu dark et tout, mais ça, c'est une mise en scène qui réussit. Ouais. Parce qu'en même temps, le ton des histoires est plus sombre et ça devient de plus en plus sombre parce que aussi, on voit l'histoire du point de vue d'Harry, Ron, Hermione qui sont des enfants. Donc, ils arrivent à Poudlard, c'est des enfants, tout est magique, tout est parfait, tout est coloré. Et au final, ils se rendent compte qu'ils sont dans une histoire qui est un peu super grave, un peu super tragique. Et voilà, t'as le paysage qui s'obscurcit en même temps que la manière dont ils voient le monde s'obscurcit, tu vois. Donc pour moi, il y a vraiment eu un progrès de mise en scène, et c'est pour ça que la mise en scène est de plus en plus intéressante au fur et à mesure des films. Et ça trouve son aboutissement avec le travail de David Yates à la fin. Mm-hmm. Qui était le meilleur d'ailleurs des réalisateurs, je pense. David Yates oui. sur les derniers. Même si j'ai beaucoup aimé le 4, oui. McNewell. C'était McNewell qui l'a fait. Si, moi je trouve qu'il y a des plans très très jolis dans le 4. Et juste Erratum, Chris Columbus a bel et bien fait Gremlins. Ah ouais. Il a fait des grands films comme les Goonies, Gremlins ou compagnie. Les Goonies ? Ouais. Oh, j'adore. Mais, super film, mais il a aussi fait des films bien merdiques comme Pixel ou encore ah oui, Percy Jackson et le voleur de fou. Ah, ils ont détruit un bouquin avec ce film, c'était horrible. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à détruire dans Percy Jackson? Alors, moi, j'ai bien aimé. Mais le podcast tourne sur Harry Potter. Oui. Et s'il y a bien quelque chose dont il faut parler sur les films, c'est la musique. Mmh. Ah ouais. Incroyable. Travail de John Williams qui avait aussi écrit la musique de Star Wars. Qui a été remplacé par Alexandre Desplat. À la toute fin, oui. À partir du 7e. À partir du 7, ouais. C'est un très bon. Comme les Français ont dit Desplat. Oh, bah ouais, désolé. C'est pas grave. Je l'ai toujours prononcé Desplat parce que je trouve que ça a beaucoup plus de classe. Desplat. Mais non, c'est vrai que c'est une très très belle musique. Et magnifique. On connaît tous le thème d'Harry Potter. Ouais. Alors, bon, après, je sais pas, peut-être. J'ai des faux souvenirs, mais en sortant de la séance du Harry Potter 1, je pouvais déjà faire toutes les musiques à la voix. Oui, et puis la scène où il découvre la cape d'invisibilité avec ce tout Vous voyez avec les flûtes là, quand il va dans la réserve interdite, il y a vraiment une ambiance. Ça, j'admire vachement parce que pour mettre un thème musical sur un bouquin, Bah, c'est John Williams, c'est un. Ouais, mais c'est incroyable, je trouve vraiment. Il est très vieux, mais. Enfin, comme dans Le Seigneur des Anneaux, c'était réussi. C'était pareil, incroyable, oui, c'était extraordinaire. Howard Shore. Howard Shore, pardon. Rob Howard, n'importe quoi. Ouais. S'il y a d'autres sujets qu'on peut aborder sur les films, je ne sais pas. Bah sinon, il y a le dossier de Jules qui suit. Le dossier de Jules, oui. Prenons comme acquis ce qui a beaucoup été répété. Harry Potter, c'est quelque chose de générationnel. Quelque chose avec lequel on a tous grandi. L'adolescence et les premières années de la vie adulte, je ne vous apprends rien, sont une période de métamorphose profonde pour l'individu, notamment en ce qui concerne ses idées politiques. J'entends ici politique au sens large, les idées sur la société et son fonctionnement. Dès lors, l'hypothèse que Harry Potter ait pu, d'une manière ou d'une autre, influencer la vision politique d'un groupe de personnes allant de la génération à l'inconscient collectif n'est pas absurde. D'autant plus que Rowling ne s'est jamais cachée d'avoir des idées politiques et de les faire vivre dans ses livres. En témoigne son roman post-Potter, Une place à prendre, qui raconte en gros l'histoire d'une campagne anglaise suite à la mort de leur curé ou... Non, d'un membre de leur communauté. Paroisse, ouais. Mm. Et qui montre... honnêtement, je trouve meilleur que Harry Potter, ce livre, qui est une fresque sociale sur les petites intrigues et magouilles sociales de l'Angleterre campagnarde. D'autant plus que les personnages, ils ont souvent des âges très proches de leur lectorat. C'est ce qu'on se dit. Tu disais, Harry Potter avait 10 ans, je l'ai lu, j'en avais 9. Mm. Et donc... l'identification et la résolution des problématiques qui traversent les personnages, c'est pas du tout absurde de tracer un parallèle d'identification avec ces personnages, de voir que si Harry résout un problème comme ça, moi aussi je peux trouver résolution à un problème comme ça. Les problématiques politiques à l'adolescence sont quand même des axes assez structurants pour une personnalité. En tout cas, dans la tête de tous ceux qui rêvent d'intégrer Poudlard. Alors, tout le monde, oui, tout le monde aurait l'intégré pour lui. Donc Rowling, elle, en fait, à la suite d'une interview sur le passage en fait un peu nazifiant des méchants, et qu'on lui a demandé si c'était politique, elle a répondu, mais bien sûr c'est politique. Moi, quand j'ai créé Harry Potter, je voulais que Harry quitte le monde des Moldus et retrouve les mêmes problématiques dans le monde des sorciers, pour mieux les dénoncer et les faire avancer. Bon, Harry Potter, c'est pas non plus le Capital ou le Livre Rouge, mais il y a quand même une connotation politique. Et je trouve en tout cas que le monde d'Harry Potter est d'une richesse vraiment inouïe en symbolique et en problématique politique. Et j'ai rarement lu de bouquins de fiction qui apportaient autant, qui étaient aussi riches de ça. Il y a peut-être Dune, mais Dune, c'est bien daté, et les problématiques qu'il soulève, c'est la guerre du Golfe et l'impérialisme américain sur le pétrole. Donc c'est plus franchement d'actualité, et c'est ça, moins universel que Harry Potter. Mmh. Donc, ce que je voulais commencer par aborder, c'est la vision du racisme et du génocide dans Harry Potter. Quand Voldemort et ses copains veulent tuer, ils veulent clairement faire de l'épuration ethnique. Oui, complètement. Oui, c'est les sangs purs. Hein. Bah, c'est ça. J'ai toujours eu un peu de mal avec cette histoire, parce que au final, on apprend très tard la raison pour laquelle Voldemort est vraiment méchant. Il y a vraiment une question d'épuration ethnique derrière, tu vois, mais je ne sais pas si cette épuration ethnique, c'est... Est-ce qu'on considère que les sorciers sont la race pure et ils doivent rester entre sorciers, il n'y a pas de question de sang de bourbe, etc. Ou est-ce que vraiment ils veulent prendre le pouvoir sur la Terre et éliminer tous les Moldus, tu vois. Comme c'est le cas dans X-Men, par exemple. Les deux sont intriqués. Bah, je suis même pas sûr. Mais bien sûr que si. Enfin, je suis même pas sûr. Et vraiment, c'est ce que je trouve qui est un défaut principal d'Harry Potter. C'est, en même temps, il y a un aspect politique qui est très intéressant. Mais malheureusement, je trouve qu'il n'est pas assez développé. Bah, c'est vraiment le truc de la caste. Par exemple, le fait que les fondateurs de Poudlard, Salazar Serpentard, ne voulaient pas que des enfants de Moldus viennent. Mmh. Et que c'est pour ça qu'il a créé le basilic pour qu'ils viennent les chasser. C'était vraiment, purifier la race des sorciers. Il ne faut pas qu'il y ait un gramme de sang moldu. Pour moi, c'est clair, quoi. Et même la classification sang de bourbe, demi-sang, sang pur, etc. J.K. Rowling, pour faire ça, elle s'est inspirée en fait des tableaux de classification nazis pour faire ça. Ouais, Et si le régime nazi, c'est le premier qui nous vient à l'esprit pour faire des comparaisons avec ce qui se passe dans le monde d'Harry Potter, J.K. Rowling, en fait, elle a plus voulu montrer l'émergence d'un système autoritaire et avec une idéologie complètement enfoirée. Si bien que Voldemort, ça peut... Elle a cité, bien entendu, Hitler, mais elle a aussi cité Staline, mais on peut aussi... Grégoire Kayibanda, celui qui a fait le génocide des Tutsis au Rwanda. Donald Trump. Pour les Mexicains. Justement, Donald Trump, j'en parle après, parce que c'est très intéressant, avec la montée au pouvoir et la fascisation du monde d'Harry Potter, ouais, par rapport au contrôle de la presse écrit par justement, Twitter. Sur ça, c'était le fait que dans les bouquins, il y ait tout un segment sur le fait que le Daily Prophet soit corrompu, qu'on ne puisse plus le prendre comme une source. Le gouvernement est corrompu, les banques sont corrompues. On ne peut plus prendre le Daily Prophet pour donner une vraie information. Mais ça arrive très tôt, même avant l'avènement de Voldemort, tu vois. Parce que dès le 5 où oui, le ministère est un peu dans le déni du retour de Voldemort. Ouais, mais ça se sent dans la résistance organisée par l'Ordre du Phénix. En fait, ils créent leurs propres médias. Ils créent Potter Veil, qui est une radio indépendante résistante, encryptée avec un mot de passe. Et d'ailleurs, c'est Fred George et Ellie Jordan qui animent ça. Mmh. Et c'était vraiment, dans cette propagande et dans cet univers fasciste, on va former cette résistance, comme les... C'est un peu les sorciers insoumis, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, on pourrait considérer que le Daily Prophet, c'est le valeur actuelle du monde d'Harry Potter. Bah non, c'est pas le valeur actuelle, c'est l'ensemble de la classe médiatique. N'est-ce pas? Excusez-nous, on est en période électorale, là, on est un peu... Voilà. Mais J.K. Rowling, elle a voulu donc montrer la montée en puissance des régimes autoritaires, mais aussi du point de vue... simplement humain. Elle a voulu aussi montrer les ravages de la guerre, le massacre des innocents qui n'ont absolument rien demandé, et aussi le terrorisme, qui est une problématique qui nous touche. On ne peut pas être plus touché par le terrorisme qu'aujourd'hui. Il y a cette scène d'ailleurs, il me semble que c'est au début du 7e. Du 6. Ah, du 6, quand ils attaquent le pont, vraiment. Cette scène qui n'est pas d'ailleurs dans le bouquin, je pense. Non, elle n'y est pas, et bravo à David Yates pour l'avoir mise. C'est une très incroyable. Veulement détruit des ponts. Et c'est une des seules scènes d'Harry Potter où on voit vraiment d'ailleurs des moldus qui voient ce que font les sorciers à leur monde, parce que t'as le moment où t'as les mange-morts qui arrivent sur le pont pour le détruire, et t'as un plan sur des types qui sont dans un bureau avec leur mug de café qui sont en train de regarder en mode qu'est-ce qui se passe. Mais je me rappelle plus s'ils avaient mis la scène du premier chapitre du 6e où t'as le ministre moldu. Mais non, c'est pas dans le film, mais d'accord. Qui rencontre le nouveau ministre. Non, non, ministre, le nouveau premier ministre d'Angleterre, du coup. Donc c'est Rufus Scrimgeour, il me semble. Ouais, c'est ça, le... Et qui était... Enfin, moi, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce chapitre? Je comprends pas. Et au fur et à mesure, je me disais, mais waouh, c'est incroyable, quoi. Vraiment, cette rencontre entre le ministre moldu et le ministre de la magie. Il va le voir et il dit, au fait, ça va être la merde. Ouais, grave. Eh, au fait, vous allez tous mourir. Tchou-tchou. C'est excellent. donc voilà, J.K. Rowling, elle montre, je trouve que le parallèle avec aujourd'hui et la montée en puissance de quand même des idéologies racistes, xénophobes et vachement autoritaires. En France, on peut penser à Manuel Valls qui envoie les CRS contre les manifestants écolos. Aux États-Unis, Trump est un exemple très flagrant de Voldemort. Je connais pas exactement ce qui se passe dans les autres pays. La Pologne, où ils sont en train de massacrer, d'enlever la pilule du lendemain. La Tchétchénie. Et je trouve que J.K. Rowling, elle est super forte là-dedans, parce qu'elle montre en fait la nécessité de la résistance par rapport à des systèmes qui se mettent en place comme ça, et montre parfaitement les mécanismes en fait de fascisation de toute la société et comme en 45, quoi, les Français n'étaient pas tous des résistants, et montre que la passivité en fait c'est laisser... Mais le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que toute la France avait été résistante? Mais la passivité, elle montre vraiment que c'est ça qui détruit les constructions, la les acquis sociaux. La passivité de Cornelius Fudge, qui était dans le déni. Avec Harry qui... Et puis, moi, ce que j'aimais bien aussi, c'était le fait que dans le 7e, le trio abandonne ses études... assument complètement le fait d'être des résistants, ils deviennent complètement underground, ils n'ont plus aucun contact avec personne. Ils vont dans la forêt avec leur tente. Ouais, et tout, c'est impressionnant. Du djembé, du didi. C'est la... Non, mais c'est ce que tu ressens parfaitement, cette solitude. vraiment, ils sont seuls. Oui, ils sont seuls dans la résistance. Personne qui peut les aider. C'est eux qui doivent faire le travail. Enfin, c'est... Ouais, mais je trouve que, par exemple, aussi, justement, en plus, quand ils reviennent dans Poudlard et qu'ils se rendent compte que les autres aussi prennent grave cher, c'est quoi. Très enfin, Neuville et tout, qui résistent à leur façon, quoi. Avec les Mangemorts qui les obligent à faire des sorts impardonnables sur les autres étudiants et tout, c'est... Et moi, je trouve que le personnage de Drago Malfoy, il est super intéressant là-dessus, justement. C'est pas forcément allié là-dessus, mais allié avec ça, mais il est complètement pris en fait dans les intérêts de sa classe sociale, de haute bourgeoisie un peu consanguine des sorciers. Et finalement, il suit les intérêts de sa classe en étant complètement aveugle aux problématiques que peuvent toucher les autres. Il est même pas conscient en fait du fait qu'il fait souffrir de manière super forte les autres, si bien que il s'est enrôlé, voilà, il fait sa petite crise d'adolescence, et quand il se met à se rendre compte que c'est un peu la hesse pour les autres, il commence à s'éveiller, en fait. Oui, mais tout en restant fidèle à sa famille et à ses parents, quoi. Sauf à la fin. Oui, il a un vrai dilemme. Mais il n'y a pas une scène, justement, dans la salle sur demande, quand ils essayent de récupérer le dernier Horcrux, le diadème, où Malfoy, Crabbe et Goyle viennent dans la salle sur demande et disent « Bon, Potter, on va t'emmener voir Voldemort dans la forêt. » Et ils disent « Non, il faut... » Et d'ailleurs, Harry le sauve des flammes. Oui, mais il y a aussi le fait... Quand, par exemple, Harry se fait emmener dans la maison de Bellatrix et qu'il demande si Malfoy le reconnaît, et il dit non. Il dit non. Alors que c'est vraiment... Ouais, cette scène est excellente aussi. Ouais. D'ailleurs, Malfoy, tu le détestes jamais foncièrement. Je trouve que tu sens qu'il est tellement dans la merde, le pauvre, avec Surtout famille, dans le sixième, quand il lui demande de tuer Dumbledore. Quoi. Ouais, avant cette scène du meurtre de Dumbledore, vraiment, on n'a pas de raison d'aimer Malfoy, tu vois. Oh, détrompe-toi, t'as un nombre de fans de Malfoy. Et moi, justement, je trouve que quand il prend conscience de tout ça, tu comprends beaucoup mieux en fait ce qui anime ce personnage-là. Finalement, l'endoctrinement par ses parents dans ce régime complètement affreux, les intérêts de sa classe, il suit la voie justement que lui ont tracé ses parents, et quand il se rend compte de la réalité du vécu de ceux qui veulent dominer, il retourne sa veste, mais pour le meilleur. Et je trouve que le parallèle avec ce qui s'est toujours passé en politique est assez intéressant. Est-ce qu'on peut considérer que si les politiques, pour moi, moi, je les considère nuisibles à la société, les politiques ultra-néolibérales. Est-ce que si les personnes... est-ce que si les personnes qui les imposaient à la société se rendaient compte, finalement, de la souffrance que ces politiques engendrent, est-ce qu'ils seraient encore à même de les appliquer? Voilà. Je trouvais juste le parallèle intéressant. Mmh. Mais, bref, là, on a fait une petite digression, mais ce qui est très intéressant à noter, c'est ce que J.K. Rowling nous montre, la fascination de la recherche avec Dolores Umbridge qui va contrôler le Poudlard, de la science, si tant est qu'on puisse parler de science chez les sorciers, de la presse avec Rita Skeeter qui vire facho. Rita Skeeter, elle vire facho, je me rappelle plus. Si, Rita Skeeter, elle raconte de la merde sur Dumbledore. À la fin, elle raconte de la merde sur Dumbledore, etc. Non, en fait, elle raconte pas de la merde. Enfin, oui, c'est vrai que. On est à toute une réécriture de l'histoire. Vers cet avènement du monde des sorciers parfaits, et je trouve que le parallèle avec aujourd'hui est très très très très flagrant, enfin très très très facile à faire, et si bien que ce qui se passe dans Harry Potter, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. Et c'est ce qui s'est toujours passé en fait. Et au final, dans notre monde, Harry Potter, c'est Macron. Oui, j'en viendrai, j'y viendrai, mais plus tard, parce que Harry Potter est complètement néolibéral. Ok. Tant mieux. Voilà. Donc maintenant j'aimerais parler de l'émancipation dans Harry Potter. Le message de tolérance et d'émancipation par rapport au féminisme, à l'antiracisme et à l'homosexualité. C'est... L'homosexualité. Dumbledore est gay. Oui, mais ça se devine dans les bouquins. C'est... Mais elle l'a dit. Oui, elle l'a dit, mais c'est pas genre foncièrement dit. Moi, je sais que Dumbledore est gay parce que J.K. Rowling l'a dit dans les médias. Mais oui, sinon, mais elle était devant beaucoup, beaucoup, beaucoup de fans, et elle l'a dit devant tout le monde en disant il est gay, c'est comme ça. Et moi, j'ai trouvé ça génial de comment elle l'a dit. Elle a dit mon personnage il est comme ça, allez tous vous faire foutre. Mais ça a fait de gigantesques controverses. Ouais, complètement. complètement. T'as eu des associations chrétiennes à la con qui sont montées au créneau en mode mais comment une figure morale peut être homosexuelle, c'est on, en faisant ça on dit aux jeunes que c'est bien d'être homosexuel, on banalise l'homosexualité, si ça continue comme ça ils vont tous y répéder. Mais oui, enfin, la rhétorique classique. La rhétorique classique des connards chrétiens d'extrême droite. Et des connards tout court, hein, y en a ouais, pas que ça. De droite. Hein. Et c'est bien... pas que chrétiens aussi, on a rien contre les chrétiens. Oui, oui. Ouais, c'est vrai. Si bien qu'on a accusé J.K. Rowling de bienveillance envers les homosexuels. Qu'on puisse accuser quelqu'un de bienveillance envers un groupe social et dire que c'est de la merde. C'est vraiment chaud, quoi. Mais il y a eu le même truc quand, pour la pièce de théâtre, ils avaient casté une actrice noire ouais, pour Hermione. Enfin, pour Emma Watson, J.K. Rowling avait dit, bah non, moi je l'ai juste décrite comme ayant les cheveux crépus et en bataille, elle peut très bien être black, Hermione, il n'y a pas de problème. Et t'avais tous les gens, même en France, dans les commentaires, qui disaient, mais non, il est bien qu'elle est gagnée. Ouais, grave. Mais c'est bon, fermez vos gueules, quoi, ça va, on s'en fout. Mais surtout que nous, tous les quatre autour de la table, on est blancs, mais dans mon association d'artistes, je me rends compte parce que je suis avec des gens qui sont pas forcément couleur aspirine. Mmh. Et quand en fait eux ils se mettent à dessiner, ils se mettent instinctivement à dessiner des personnes de couleur. C'est affreux de dire ça parce que de couleur ça voudrait dire que la norme c'est blanc, mais il n'y a aucune norme. Et finalement, moi les premières fois ça m'a ça m'a un peu interpellé en mode ah ouais, moi mon personnage j'imaginais blanc, tu l'as fait noir, mais j'y ai jamais pensé. Si bien que le biais. Quand on est blanc et qu'on vit dans un univers médiatique blanc avec des acteurs blancs, on se rend pas compte de ça. C'est ce que Will Smith a dit au Festival de Cannes, parce qu'il y avait Jessica Chastain qui avait dit ça m'a un peu choqué dans les 20 films par jour que je voyais l'image de la femme, et il faudrait qu'on mette plus de femmes parce que Sofia Coppola est seulement la deuxième femme à avoir reçu un prix au Festival de Cannes, et t'as Will Smith qui a dit « A few black people wouldn't hurt too ». Et t'as aussi un épisode de Master of None qui parle des Indiens dans la culture mainstream. Ah oui, à Hollywood. C'est vachement intéressant, où le fait que les Barbies, la plupart du temps, soient blanches, les poupées soient blanches, il y a un problème de représentation, clairement. Ouais. Mais on digresse un peu, là, parce que... Oui, en même temps, on parle politique, c'est normal. Ouais. Et donc voilà, ça c'est sur l'homosexualité. Mais il y a aussi les figures féminines dans Harry Potter, qui sont par rapport... Bon, je les mets pas du tout dans le même panier. Mais disons que les livres qui s'adressent à cette frange de la population, Aka Twilight, Divergente, Hunger Games, je trouve que Harry Potter donne de bien meilleures figures féminines aux jeunes femmes aux jeunes filles en train de lire les bouquins que ne font la moyenne de... Des livres leur étant destinés. J'allais dire, t'as Hunger Games aussi, mais Hunger Games, c'est presque le cliché inverse, tu vois. Bah non, elle est dans un triangle amoureux. Comme Twilight, ça change pas grand chose. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors que là, pas trop, sauf sur la fin, les intrigues amoureuses sont pas très bien amenées. Ouais. Mais c'est vrai que même les figures féminines, j'allais dire mauvaises entre guillemets, genre Dolores Umbridge, elle a une putain de charisme. Elle te fait flipper de ouf, cette meuf. Hein. Et à l'inverse, je sais pas, McGonagall, par exemple, qui est une super figure féminine. Le seul petit côté réac qu'aurait J.K. Rowling, c'est par rapport aux relations amoureuses. C'est-à-dire que pour elle, toutes les relations amoureuses commencent à Poudlard et tout le monde se marie ensemble. C'est vrai. C'est un truc, j'ai jamais compris, quoi. Il était obligé de se marier avec Jenny, et Ron Hermione était obligé de se marier. Il y a d'autres gens dehors, quoi. Les couples sont assez pourris, en vrai. Ouais, c'est vrai, franchement. Le couple Harry-Ginny aurait pu être mieux amené. Le couple Emma Watson. Ron Hermione, vraiment, c'est comme. C'est presque de la consanguinité. C'est comme dans Friends, tu vois le couple. Oh non, t'allais dire Chandler et. Non, j'allais dire Joey et Rachel. Rachel. Ouais. Oui, ou oui. Dans How I Met Your Mother, tu vois le couple Barney Robin. Ah, j'adore. C'est presque de la consanguinité, c'est juste t'as pas envie d'amener un nouveau personnage. Oui, tu et vois, puis ils sont obligés de se marier direct en sortant de l'école, ouais, et ils sont obligés d'avoir des enfants tout de suite. Non, il y a d'autres trucs dans la vie. Oui, après, j'ai pas dit que c'était bien, j'ai dit que c'était mieux que la moyenne. Mais d'ailleurs, à ce titre-là, les reproches qu'on peut leur faire, c'est que, mine de rien, les personnages féminins, même si c'est des figures fortes et compagnie, ils sont toujours dans le backup. Ouais, c'est vrai. Hermione, c'est le soutien de Harry Potter. La mère Weasley, c'est pareil. C'est le soutien de la famille, mais jamais elle va avoir un rôle important. Parfois, elle va prendre sa place. Elle tue Bellatrix, mon frère. Ouais, quand même. Bellatrix Lestrange. Ouais, d'ailleurs, Bellatrix Lestrange. Non, Mike Tourt, c'est Yotech. Si, moi j'aimerais bien revenir sur un truc que tu as dit au tout début de ton dossier, sur le fait qu'on avait suivi Harry Potter de la meilleure manière, parce que la première fois qu'on l'a lu, on avait 9 ans et le personnage en avait 10, tu vois. Mmh. Et je trouve ça vachement intéressant parce que, à mon avis, nous autour de la table qui sommes nés au début des années 90, je pense qu'on est la génération qui pourra le vivre Harry Potter le mieux, tu vois. Ouais, ouais, ouais, c'est clair. Parce que clairement, on avait le même âge qu'Harry Potter, quoi. Mais on a vécu un truc, je pense qu'aucune autre génération n'a vécu. Et vraiment, genre, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'évolution qu'a eu la mise en scène des films avec son côté qui devenait de plus en plus dark, comme dit Jules, etc. Aujourd'hui, tu peux pas arriver devant ma sœur, par exemple, qui a 10 ans, lui montrer Harry Potter 1, elle va trouver ça probablement un peu naze, tu vois. Ah ouais, tu crois. Pourquoi? Ouais, un peu enfantin, tu vois. Et théoriquement, tu vois, elle pourrait voir les 8 films d'affilée en une semaine. Et elle verrait pas, tu vois, comme nous, on a vu l'évolution d'Harry Potter et comme nous, on l'a vu grandir, mais tu vois. C'est pour ça qu'il faut forcer tes enfants à attendre Noël à chaque fois. C'est-à-dire que vraiment, tu leur dis, bah non, tu vas attendre, non. Mais moi, j'ai un souvenir dingue. Les films n'étaient pas à Noël. Non, mais c'est vrai que c'est une super bonne idée parce que c'est vrai que l'attente a vachement contribué au fait que... Moi, j'ai un souvenir dingue de quand j'avais 14-15 ans, le moment où les hormones sont un peu en feu. Je suis allé voir Harry Potter 4 au cinéma et là, genre... Révélation, quoi. Putain, mais en fait, grave. Emma Watson, elle est surbonne, c'est incroyable. Quoique, j'ai revu le 4, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout parce qu'il est insupportable. D'accord, on n'est pas d'accord. Mais elle est quand même ultra infantilisée. Hein. Au bal, elle porte une robe de Barbie qui lui fait des tout petits seins. Elle est pas du tout féminine, c'est une gamine encore. Ouais, mais elle a 14 ans hein, dans le bouquin. Mais dans le film, elle en a 16. Oui, mais ils rajeunissent exprès. Donc là, on a parlé des femmes, mais parlons des racisés. Même si la question raciale n'est pas franchement abordée de but en blanc dans Harry Potter, je trouve qu'on peut. Après, c'est moi qui le fais, le parallèle, mais je trouve qu'on peut faire un parallèle intéressant avec les elfes de maison et l'esclavagisme. Ou les gobelins, hein, parce qu'il y a tout un truc avec les gobelins. Il y a eu une guerre sorcier-gobelin où les gobelins sont enfin respectés. Mais bah oui, parce qu'il y a un problème quand ils s'allient aux gobelins pour pénétrer dans la banque. Et il y a Bill Weasley qui prévient Harry et qui lui dit « Écoute, ancestralement, il y a un problème entre les sorciers et les gobelins. Méfie-toi de lui parce qu'on ne peut pas se faire confiance encore. On a des centaines d'années de guerre et c'est compliqué, nos relations avec les gobelins. » Ouais. Mais parce que moi j'ai pas du tout, je ne suis pas du tout dans cette direction dans mes recherches, mais sur les elfes de maison, c'est vachement intéressant parce que, fun fact, le saviez-vous, J.K. Rowling s'est enrôlée dans le Parti communiste à un moment. Ah. et en fait, l'engagement de Hermione dans le SALE. S-A-L-E. Ouais, c'est ça. Oui, dans le Société... Je m'en rappelle plus. Bon, en gros, pour la libération des elfes anonyme, de maison. Société anonyme, de quelque chose. Non. Non. Société anonyme. Bref. Côté chez Euronext. C'est un parallèle avec ce qu'elle a vécu, elle. C'est-à-dire... qu'elle était vraiment dans « Libérez-vous aux travailleurs », parce que, je ne vous apprends rien, mais les travailleurs n'ont à perdre que leur chaîne. Exactement comme les elfes de maison. Oui, et puis d'ailleurs, ça montre très bien aussi le côté quand tu libères un elfe de maison, notamment je crois qu'elle s'appelle Oki, non? Comment elle s'appelle? La fille. L'elfe de maison de Barty Croupton se fait libérer un peu de force et elle sombre dans la dépression et dans l'alcool. Parce qu'elle a internalisé le fait qu'elle devait être une servante pour toujours. Dobby est très mal vu par les autres elfes de maison, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'amis parmi les elfes de maison. Ouais, parce qu'il a été libéré, c'est ouais, ça. Parce qu'il le voit comme un danger, en fait. C'est leur seule modalité d'existence. Ouais, ça me fait penser à un truc complètement différent à ce film qui s'appelle... Les évadés, Shawshank avec Morgan Freeman. Les évadés. Ouais. Et où tu vois Morgan Freeman qui obtient enfin sa libération conditionnelle après 30 ans. Et le mec, genre, c'est pas du tout vivre en société, quoi. Ouais. Il demande à aller pisser à son boss au supermarché, tu vois. Enfin, c'est incroyable, ce truc. Donc, vous voyez à quel point c'est le nombre de symboliques qu'on peut trouver. Il y a beaucoup de thèmes qui résonnent dans beaucoup de choses. C'est pour ça que J.K. Rowling, pour moi, c'est véritablement une génie qui avait réussi à mettre autant de choses dans un univers aussi complexe dans cette bouquin, quoi. C'est ce qui fait les grandes sagas, tu vois, comme Harry Potter, le Seigneur des Anneaux. Enfin, Harry Potter, Star Wars, le Seigneur des Anneaux. Le côté politique est un peu plus absent du Seigneur des Anneaux, quand même. Oui, c'est vrai. Mais bon, maintenant, je vais arriver à une partie un peu plus touchy, où, parce que là, j'ai brossé dans le sens du poil tous les fans d'Harry Potter. Et bon, après, je dis ça parce que moi, je considère que la pensée néolibérale est une pensée nocive pour la société du futur. Oh là là. Ça va trop loin pour moi déjà. Non, mais c'est juste qu'on va pas se faire d'amis, quoi. Parmi les auditeurs du podcast. Mais. Non, il y a Arnold parmi les auditeurs du podcast. Mais Arnold, cette partie est pour toi. Il va très fort. Mais finalement, je trouve. Je le représente. Je suis là. Harry Potter est vraiment néolibéral as fuck. Je ne suis pas d'accord. Mais je vais m'expliquer ensuite. Vas-y. C'est quand on prend Poudlard. Poudlard, finalement, c'est la culture de l'affrontement. Dans l'intraclasse et dans l'interclasse. C'est-à-dire, entre les maisons, il y a une guerre entre les points, et entre les élèves, il y a des petites guéguerres intestines pour devenir préfet. Et donc, ouais. Finalement, leur école, elle n'est pas du tout dans une optique de la conciliation, de l'égalité, etc. Elle est dans l'optique de l'affrontement, dans l'optique de « il faut que tu sois meilleur que ton prochain, parce que c'est comme ça que tu réussiras dans la vie ». Et on va te dire ça avec des points. Les points, c'est... Si on fait un parallèle avec l'argent, c'est franchement une appréciation unilatérale des capacités de l'individu, exactement comme dans un rêve néolibéral. Et d'ailleurs, à propos encore toujours de Poudlard, tu vois que c'est une école privée qui n'arrête pas de tourner en ridicule le gouvernement, qui le considère interventionniste, qui le tourne en ridicule par le frère de Ron, qui est complètement insipide, par Barty Croupton, c'est comme ça qu'il s'appelle, le ministère qui arrête pas de se mettre dans les pattes de Dumbledore et qui pète un câble. En 2004, oui. Oui. Et finalement, ça, c'est une critique qu'on retrouve vachement dans le néolibéralisme, quoi, que l'État est trop intrusif, qu'il veut avoir la main mise sur l'enseignement, etc. Encore et toujours à propos de Poudlard, si on regarde, Poudlard, finalement, c'est un petit pré carré dans lequel les élèves ont leur argent et vont le dépenser dans des genres de parcs d'attractions à côté, comment s'appelle cette ville ? Préolard. Où finalement, ils font leur sortie, ils dépensent leur argent, ils vont à Disneyland et ils rentrent chez eux. Là, pas vraiment à Disneyland, faut pas exagérer. Je suis un peu moins convaincu de mon ami sur cette partie-là, je vous le confie. Ils vont à l'extérieur, en fait, justement, parce qu'on les permet de sortir de l'école. Ils rentrent dans la communauté, ils goûtent leur première bière au beurre. Mais après, c'est ça qu'on aurait dû boire ce soir, d'ailleurs. Ouais, bière au beurre. C'est un peu con, mais moi, genre... T'as déjà goûté ? Imagine mettre du beurre dans de la bière. Non, mais il doit y avoir... J'imagine bien que c'est pas de la... Excuse-moi, juste vous savez que ma mère, quand j'étais petite, je lui ai demandé de me faire de la bière au beurre et elle a essayé de m'en faire et c'était dégueulasse. Non, mais est-ce que... Enfin, on doit sûrement pouvoir trouver ça sur Internet, une recette de bière au beurre. C'est hyper sucré. Il y en a. Ouais, il y a un livre qui s'appelle La recette des geeks et t'as plein de recettes de tous les films qu'on connaît. Ça, faut trop tester, je suis sûr que ça doit être trop bon, en vrai. Ouais. Parce qu'au final... Tu lis le mot bière au beurre et tu te dis putain, ça doit être trop bon. Ouais, mais même quand il raconte la sensation que ça lui fait quand il le boit, t'es en mode oh putain, ça doit être, on dirait de la drogue. Tu t'imagines un mélange à la fois rafraîchissant, à la fois chaleureux. Ouais. Ou le whisky de feu, je sais plus. Ils prennent un whisky aussi. Je me souviens pas de ça. Ouais. Et pour continuer. Je t'en parlais, Mathilde, avant qu'on commence à tourner, mais dans Harry Potter, finalement, t'as une omniprésence des marques. Non. Si. T'as Nimbus, ouais. Les dragées surprises de Bertie Crochu, t'as la banque, Gringotts, t'as plein, en fait, de trucs qui sont brandés comme ça. Alors, moi, après... Mais ça doit être quoi ? Ça doit être la banque anonyme, ça doit être les dragées anonymes, enfin, je sais pas, il y a bien des... Ouais, ça permet de surtout que tout est anglais, enfin... Oui, non mais... On est dans un univers de sorciers. Et après, moi, j'ai peut-être un point de vue un peu old school là-dessus. Et je fais pas du tout une critique à Harry Potter. C'est juste, je remarque que Harry Potter, si on fait une analyse néolibérale, ça se prête vachement. Mais pour moi, et je cherche un peu la merde, mais l'univers des sorciers, pour moi, c'est un univers de crafting, quoi. Enfin, c'est le sorcier qui fabrique son propre truc avec des incantations, etc. Il va pas acheter sa baguette chez Ollivanders. Il va créer sa baguette lui-même comme un apprenti sorcier. C'est un business local... Ollivander, c'est un vieux monsieur qui a son truc tout seul. Ouais, c'est pas comme si t'avais un supermarché de la baguette. Ouais, c'est clair. C'est pas comme si t'avais un Walmart du sorcier où tu trouvais tout. Hein. Après, t'as un centre commercial, c'est le chemin de traverse. Mais... Oui, mais c'est pas un centre commercial. Bah, c'est même pas un centre commercial, c'est juste le seul endroit où ils peuvent acheter les trucs. Tu vois. Bah, c'est ouais, ultimement un centre commercial. Oui, mais c'est le seul. C'est pas comme si t'avais 10 McDonald's dans le monde des sorciers, quoi. T'as un Ollivanders et t'as un autre vendeur de baguettes qui est bulgare. Enfin, c'est je sais pas. C'est un duopole, quoi. Hein ? C'est un duopole. C'est ça. Non, mais je suis assez d'accord avec l'analyse de Jules, en vrai. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de parallèles. Mais comment vous l'auriez fait à ce moment-là ? C'est-à-dire que chaque sorcier doit se faire chier. Ah non, mais je dis pas que c'est mal. Au contraire. Moi, bien au contraire. Le système des points, par exemple. Harry Potter, il aurait dû aller chercher sa licorne pour lui prendre son crin. Ah, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Le ventricule de dragon, machin. Non, moi aussi, je suis d'accord. Mais en fait, si je fais cette analyse-là, moi, je considère que le néolibéral, c'est pas super tip-top. Mais ensuite, c'est moi. Cette analyse-là, elle est à peu près valable, je pense, elle est à peu près rationnelle. Oui, puis, oui, non, enfin, il ne faut pas chercher à surintellectualiser aussi les choses. Mais justement, mais ce que je trouve intéressant, c'est en fait que J.K. Rowling, sans s'en rendre compte, elle a créé le système néolibéral rêvé, presque. Parce qu'il n'y a pas d'études de sciences sociales, il n'y a jamais de remise en cause du système de sorcier, il n'y a pas de remise en cause des points, à aucun moment. Et en fait, J.K. Rowling, je pense, sans s'en rendre compte, a en fait complètement internalisé les valeurs néolibérales qu'on nous balance dans la figure depuis une trentaine d'années. Après. Et qu'elle l'a recréé comme ça dans le monde des sorciers. Après, il y a quand même une grosse mais nuance. Mais voilà, après, c'est une petite analyse. Il y a quand même une ça, grosse hein. nuance qui est le fait que les sorciers restent quand même vraiment entre eux. Ils ne cherchent jamais à interagir avec les moldus, tu vois, par exemple. Il y en a qui se marient avec des moldus. Et ils interagissent même très peu avec les autres communautés de sorciers, entre guillemets. La seule interaction qu'on voit, c'est dans le cadre avec toute la Trination, tu vois. Et c'est présenté comme un événement complètement exceptionnel qui arrive une fois tous les 5-6 ans, je sais pas. Tous les 100 ans, je crois. Trois sorciers, hein, pas trois nations. Non, c'est moins que ça. Les tous les 50 ans. Tout le monde est trisorcier, oui, c'est ça. Oui. Le tournoi des sorciers, oui. Et donc voilà. Non, mais après, moi, j'ai fait cette petite analyse-là pour gratter un peu. Mais c'est voilà, ça reste une œuvre de fiction. Bon, après, elle est donnée à des enfants. Après, toutes les œuvres de fiction sont une représentation du monde d'une manière ou d'une autre. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Et la représentation, le prisme par lequel J.K. Rowling a créé son monde, là, je sais pas si à la lumière de mon analyse si brillante, on peut le voir, mais c'est quand même un prisme vachement néolibéral. Adrien. Non, je suis assez d'accord. Non, j'adhère totalement. J'adhère globalement à ton analyse. Je pense ça même. Je suis assez surpris, mais voilà. Sans vouloir faire de la politique, je pense pas que ce soit un problème. Mais je pense pas que J.K. Rowling ait pensé le truc comme ça. Je pense qu'elle l'a vraiment pas pensé, non. Et je pense que aussi, là je surintellectualise complètement parce que je suis un vieux gauchiste de merde, et que c'est certainement allié avec des facilités de narration et d'exposition pour rendre le monde des sorciers plus digeste. Parce que si on avait encore Baba Yaga qui fait ses mixtures dans sa taverne, dans sa cabane au bout des marais, ce serait sacrément moins glamour le monde d'Harry Potter, et ça se vendrait beaucoup moins. Mais voilà quoi. Globalement, Harry Potter, c'est quand même des valeurs super, super bonnes. C'est de la tolérance, c'est de l'antiracisme, c'est du féminisme. Je vois pas ce qu'on peut demander de mieux à un bouquin pour enfants, quoi. Complètement. Mais Morgane, je crois que tu as. Parce que je laisse le micro. Parce que Jules parle, mais hein. Bon. Morgane, c'est à toi. Alors moi ça va être beaucoup moins sérieux et du coup comme d'habitude je me range rarement dans la vie de mes congénères ici présents parce qu'aujourd'hui moi je vais vous parler de théories. Alors je connais la version pour certains des théories de fans à propos de livres ou de films, mais pour une fois pour Harry Potter ça a vraiment un sens, déjà parce qu'il y a 7 bouquins, qu'il y a des films etc... et que du coup ça permet de vachement élaborer dessus et ça fait se poser des questions, quoi, sur les incohérences, les choses comme ça. Moi, je trouve, par exemple, que ça apporte beaucoup parce que ça fait vivre la communauté, même après la fin de la saga, etc., et ça nous fait un peu réfléchir. Il y a certaines théories qui sont vraiment bien ficelées, et il y en a qui ne sont pas du tout bien ficelées. Par exemple, quand on dit Dumbledore, c'est Gandalf, et en fait, Harry Potter, c'est la suite du Seigneur des Anneaux. Ça, c'est un peu pourri. Mais d'ailleurs, en général, les théories qui rassemblent les différents univers, je trouve qu'elles sont toujours assez moyennes, sauf celle, petite dégression, sauf celle de Pixar, je pense, sur le fait que les dessins animés sont reliés, elle est pas mal. Ouais, ça, c'était vachement sympa. Pas le sujet, mais je la trouve pas convaincante, celle-là. Et moi, je trouve qu'il y a certaines théories d'Harry Potter qui nous font douter, et c'est ça qui est important dans les théories, c'est que ça, voilà, de temps en temps, ça nous fait poser un peu la question. Ça déclenche un petit truc, ouais. Ça, quoi. Tu te dis, ah putain, mais... J'avais pas pensé. D'ailleurs, je trouve ça toujours triste qu'il y ait certains auteurs qui démentent une des théories, parce que je trouve que ça casse quelque chose. Je pense vraiment à la théorie qui disait sur Jurassic Park que l'enfant dans le Jurassic Park 1, c'était Owen Grady ou Chris Pratt, ou le dresseur de raptor dans le dernier. Ah oui. Et en fait, la théorie, elle a été démentie par celui qui jouait l'enfant. Et je trouve que c'était une bonne idée. Peut-être parce qu'il avait le seum de pas... Peut-être, je pense. C'est devenu un beau jeune homme qui a joué dans la série HBO The Pacific. C'est ça. Alors et peut-être qu'il avait envie qu'on le caste. Hein, Alors que tu vois complètement à l'inverse, tu vois des interviews de Walter... comment il s'appelle, Bryan Cranston, ouais. Qui était l'acteur qui jouait Walter White dans Breaking Bad. Mm-hmm. Et à la toute fin de la série, je spoil pas, mais oui. On lui disait « Ah, mais en fait, peut-être que votre personnage, il est comme ci, comme ça. Mm. » Et lui, il a dit « Oui, je sais pas, ouais, on va c'est voir, ça. Peut-être, c'est ça. Tu verras bien, allez, bye bye. » Enfin bref, aujourd'hui, on va parler donc des théories sur Harry Potter, et je vous conseille évidemment les vidéos de Didi Chandouidoui sur YouTube, qui sont vraiment bien faites, si ça vous intéresse. Pardon. Alors, il s'appelle Didi Chandouidoui. Et c'est tu me l'écriras quelque part. C'est, donc, c'est un vidéaste qui travaille que sur les théories et c'est toujours très bien fait, c'est assez naturel et je suis complètement amoureuse de cet homme. C'est parti. Donc, il y a quelques années, il y a Rowling qui déclare dans une interview qu'il y a un grand secret dans Harry Potter et qui explique tous les bouquins. Et elle dira ça juste avant la sortie du 5, je crois. Oui, c'est mon explication. Harry Potter est néolibéral. C'est ça. Grand secret, on a voulu le cacher depuis le début. Alors j'arrive pas à retrouver cette foutue interview, mais je trouve que du coup les théories ont un intérêt vu que l'auteur invite à ce qu'on se pose la question. Et en fait, donc il y a eu tout un truc sur le fait que J.K. Rowling aurait révélé un secret à Alan Rickman qui joue Rogue dans Harry Potter. Et du coup les fans se sont complètement réveillés et c'est à ce moment-là qu'il y a eu vraiment vraiment des théories qui ont été faites dessus. Bon alors en fait ce truc là sur Alan Rickman c'était pas une révélation de ouf parce qu'en fait elle dira plus tard donc quand il est mort que elle a dit j'ai dit à Alan Rickman ce qui se cachait derrière le mot always et en fait donc c'est ce mot là il est prononcé par Severus quand on découvre que son patronus c'est celui de Lily Potter. Et en fait ça explique juste que Alan Rickman il savait un peu comment construire son personnage et comment le jouer. Et du coup, ça l'a fait mieux jouer. Vas-y. Ouais, excuse-moi, je te coupe, mais c'est parce que justement, J.K. Rowling avait dit à Alan Rickman personnellement quel était en fait l'aboutissement du personnage de Rogue qui allait apparaître. Et il y a une anecdote qui dit que pendant les films, le réalisateur disait à Alan Rickman « Bon, écoute, maintenant tu joues le personnage comme ci, comme ça. » Et Alan Rickman disait « Non, je connais la fin, je joue pas comme ça, tu vois. » Et c'est ce qu'il a dit, lui il a dit, ce qu'elle m'a dit, c'était pas un point crucial de l'intrigue, c'était un petit détail qui fut déterminant pour moi, car c'est ce qui m'a permis d'emprunter telle voie ou lieu au lieu d'une autre. Donc en gros ça lui a permis de mieux jouer, ce qui est déjà pas mal. Mais je doute un peu que ce soit le grand secret qui permet de percer tous les livres Harry Potter. Et donc moi je vais vous parler des théories qui sont plutôt dignes d'intérêt quand même, et qui ont vraiment remué la communauté en tout cas. Et il y a la première théorie qui a été quand même pas mal approuvée par Rowling elle-même, donc c'est pour ça que je vous en parle, même si elle change pas vraiment la face du monde, c'est celle sur l'histoire des trois frères Peverell. Donc alors, pour ceux les qui... Trois frères Peverell, ouais, voilà. Pour ceux qui sont complètement à la masse, donc en fait, merci. C'est un conte. Donc c'est trois frères qui ont dû utiliser la magie pour faire apparaître un pont et franchir une rivière. Sauf qu'en fait, la mort arrive parce qu'elle est hyper vénère, parce qu'ils auraient dû crever ces cons-là, tu vois. Et du coup, elle dit qu'en fait, elle va leur offrir des cadeaux, etc. Elle prend une attitude assez généreuse. Donc il y a l'aîné qui veut une baguette super puissante, c'est la baguette de Sureau. Il y a le cadet qui veut ressusciter les morts. Qui veut défier la mort. Qui veut défier la mort, donc c'est la pierre de résurrection. Et le Benjamin qui veut se déplacer sans être vu, c'est la cape d'invisibilité. Donc c'est ce qu'on appelle les trois reliques de la mort, dont le dernier titre du film. Les reliques de la mort. Et d'ailleurs cette séquence animée dans le set est très belle. Très belle. Incroyable. Elle est pas mal. Elle est superbe. Et donc, c'est le Benjamin, c'est le seul qui réussit à vraiment échapper à la mort. Oui. Et donc, une fois qu'il est vieux, il lègue la cape à son fils et il rejoint la mort comme une amie. Donc ça, c'est le conte. Et en fait, la théorie, elle dit que Rogue, Harry et Voldemort, c'est les réincarnations de ses trois frères. Et en plus, Voldemort et Harry, c'est quand même des lointains descendants des Peverell dans les bouquins. Ah ouais? Ouais. Non, Harry. Harry, c'est un lointain descendant des Peverell. Et en fait, la théorie, elle a clé aussi Dumbledore, parce que Dumbledore, ce serait justement la mort. Donc Voldemort, ce serait l'aîné qui, en quête de puissance, aurait voulu la baguette la plus puissante. Rogue, c'est le cadet qui est complètement fou de chagrin à cause de la mort de Lily. Et Harry, c'est le Benjamin qui aurait échappé à la mort. En plus, ça colle un peu avec le fait que quand Harry est mort... enfin il fake mort dans le set, il voit Dumbledore et il lui parle comme son ami, etc., et qui pourrait représenter la mort, etc. Et il revient parmi les vivants. Ah oui, comme dans le truc dans... qui ressemble... cette séquence m'a vachement fait penser à Matrix. À un moment, t'as Keanu Reeves qui est dans une salle toute blanche et il parle à un type et ça n'a pas grand intérêt, mais ça m'a rappelé Matrix. Ça dans Matrix. Ouais, dans le 2. Ah, je l'ai pas vu sur le 2. J'avais que le premier. Excuse-moi, Morgane. Voilà. Donc, du coup, c'est un peu comme si le conte se répétait. Et alors, la théorie, elle casse pas trois pattes à un canard, hein, c'est vrai. Mais du coup, Rowling, elle dira que Dumbledore et la mort, c'est une théorie magnifique et elle est cohérente. Donc, c'était sa théorie préférée. Et par contre, il s'agit pas du grand secret, sinon elle l'aurait un petit peu dit. Et donc, il y a deux théories qui ont vachement secoué les fans, que je comprends pas pourquoi elles ont fait autant de hype. C'est, la première, c'est la théorie des liens fraternels, ça s'appelle. Et ça repose sur l'idée débile que Harry et Hermione seraient frères et sœurs. Voilà. En gros, Hermione, elle aurait été cachée à la naissance et elle serait la fille de James et Lily. Et en fait, elle serait au courant, en plus, que c'est leur fille. Et donc, en fait, c'est basé sur le fait... Mais il n'y a pas un moment où Hermione embrasse Harry ? Non. Il n'est pas dans Star Wars, mec. Il flirte quand il danse et il s'embrasse quand Ron détruit l'Horcrux parce que c'est sa plus grande peur. En fait. Donc ils s'embrassent pas pour de vrai. Non, ah oui, c'est ça. Vision, et franchement, leur danse aux Xanax. Ouais, c'est vrai. Et alors les Xanax. Ils sont là comme ça avec leur grand. Genre. Ouais, c'est ça, ça mieux. Fait trop pitié quoi. Les seuls indices qui donnent qui sont les plus récurrents, c'est le fait que c'est leur relation. Ensuite, c'est le fait que J.K. Rowling, elle indique toujours les traits de ressemblance entre les membres de la famille, sauf pour Hermione et ses parents. Et l'indice que moi j'ai trouvé assez sympa, c'est la signification du prénom d'Hermione. Parce que Hermione, donc, dans la mythologie, c'est la fille de Ménélas et Hélène, et elle est abandonnée par sa mère et son père à l'âge de 9 ans. Lorsque Hélène, elle part à Troyes avec Paris. Et donc ça, j'ai trouvé sympa. Et en plus, originellement, Hermione, elle devait s'appeler Puckle et pas Granger. Et du coup, elle aurait eu le même... je sais pas comment on dit... Les mêmes initiales que Harry Potter. Parce que ça aurait été H-J-P ou H-P. Et en plus, Puckle en anglais, ça veut dire une arme secrète. Donc du coup, les fans, ils ont trouvé ça sympa. Et j'ai trouvé que c'était... ce truc-là, j'ai trouvé assez sympa. C'est vrai que c'est stylé. Et la dernière, qui est aussi un peu bizarre. Pas super convaincante. Non, elle est pas très convaincante, mais même la dernière. Mais elle est stylée. Même pas, je trouve. La dernière est encore moins convaincante, mais vraiment, elle fait toujours parler d'elle. C'est le fait que Ron serait Dumbledore. Donc ça s'appelle la théorie de Rumbledore. Voilà. Donc, alors, ce qui est assez marrant, c'est que c'est vrai qu'elle décrit souvent Albus et Ron de la même manière. D'ailleurs, il lui lègue son briquet qu'il a fait lui-même. Ouais, parce qu'il connaissait tellement bien Ron qu'il savait qu'il allait partir et il savait qu'il aurait besoin du briquet pour revenir. Et donc, ça va dans ce briquet, c'est vraiment un symbole d'Harry Potter parce que c'est le tout premier objet magique qu'on voit dans le bouquin. C'est incroyable. Tu vois Dumbledore qui arrive, super beau. Et il pique la lumière. Et vraiment, je trouve ça tellement beau d'ailleurs comment Ron le décrit, c'est-à-dire qu'il entend la voix d'Hermione dans sa poche. Dans le film, c'est un peu ridicule. Mais ouais, parce que c'est la première fois qu'elle prononce son prénom depuis qu'il est parti. Enfin, pour remettre vite fait, c'est quand Ron les quitte dans le 7e, dans leur fuite. Et en fait, il veut revenir immédiatement parce qu'il voulait partir à cause de leur crux qui le rendait de mauvaise humeur. Et en fait, ça le rendait chafouin. Et en fait, du coup, il active le briquet. Et là, il y a une lumière qui rentre à l'intérieur de lui et qui lui dit où aller. Et c'est comme ça qu'il finit par les retrouver. Et je trouve ça très, très beau. C'est vrai que c'est très beau. Ouais. Amen. Et donc... Donc dans les bouquins, on peut lire que donc Ron et Albus, ils sont tous les deux très grands et minces et qui sont dotés d'un long nez. Donc ça, c'est pas très intéressant. Mais ce qui est marrant, c'est que Dumbledore était roux quand il était jeune. Donc ça, c'est assez marrant. Mmh. Et pareil, elle décrit un peu pareil les mêmes yeux et elle mentionne la cicatrice à la jambe, au genou gauche que Ron a aussi. Donc voilà. Donc ça mais ça, c'est enfin, la cicatrice, ça ne sera pas par l'hérédité, tu vois. Enfin, c'est débile. Non, mais c'est la symbolique. Bah non, c'est pas son fils, c'est lui même. Ah, c'est lui-même. C'est lui qui est revenu dans le temps pour sauver, en fait, parce qu'il y a une espèce de futur alternatif où Voldemort a gagné. Comment ça s'appelle cet objet ? Le retourneur de temps. Le retourneur de temps. Et du coup, c'est ça. Le retourneur de temps, je me permets, qui est juste, à ma connaissance, le seul device, le seul outil de voyage temporel qui est bien géré dans la fiction. C'est vrai. Parce que Terminator, c'est complètement niqué. Transcendance. Mec. Prédestination. T'as pas vu Doctor Who? Doctor Who, c'est un peu niqué aussi. Hein. Pas du tout. Je vois pas ce que tu veux dire. Mais le retour en deux temps, par contre, niveau fictionnel, ça passe super bien pour gestion du voyage dans le temps. Et d'ailleurs, à ce propos, est-ce que vous avez vu la vidéo de cette chaîne YouTube qui s'appelle How It Should Have Ended? Oui. Sur Harry Potter. Qui est très, tu connais pas? Ah ouais, c'est une chaîne YouTube. Génial, ouais. Avec des petites animations. C'est comment est-ce que ça aurait dû se terminer. Et tu vois donc comment Harry Potter aurait dû se terminer. Et donc, je sais plus à quel moment... À la fin du troisième tome, du troisième épisode, tu vois Rogue qui chope le retour dans le temps, qui fait 3597 tours avec le retour dans le temps, qui arrive dans le passé au moment où Dumbledore va voir Tom Jedusor dans l'orphelinat, qui le tue. Ouais, c'est vrai que c'est pas con. Ouais. Et donc du coup, c'est, ouais, les, après... Mais encore de te couper, mais dans les films, c'est assez mal adapté parce qu'il y a un flashback où on voit Dumbledore jeune. Il n'est pas du tout rond. Non, il n'est pas si jeune que ça. Non, mais parce que Dumbledore, il a 150 ans. Ah, non, je pensais que c'était beaucoup plus que ça. Non, il a 150 ans. Ah, il a 150 ans, ouais. Donc, du coup, il avait encore les cheveux blancs, déjà. En fait, à l'époque. Il a 150 ans, Dumbledore ? Les vampires, n'importe quoi. Les sorciers peuvent vivre très, très longtemps. J'ignorais. Et donc, après, les autres indices un peu bizarres, c'est le fait qu'ils aiment tous les deux de ouf les bonbons et que tous les mots de passe de Dumbledore, c'est des friandises. C'est génial. Qu'ils ont un espèce de lien avec les chaussettes aussi, qui parlent tout le temps de chaussettes tous les deux. Enfin bref, voilà. Donc c'est des petits trucs comme ça. Donc ça, c'est les trois théories vraiment les plus importantes. Les deux dernières, j'avoue que je sais pas trop pourquoi. Et donc il y a des petites théories qui sont un peu moins ficelées, mais qui sont assez marrantes. Par exemple, il y avait celle, moi j'avais bien aimé, sur les Dursley, de savoir pourquoi les Dursley sont tous les trois des gros connards. Et ça, en fait, c'est parce que Harry Potter est un Horcrux, et que quand on reste trop longtemps avec un Horcrux, on devient un gros connard. Mais en même temps, elle est totalement détruite par le fait que Ron et Hermione, ça leur fait rien du tout. Donc bref. Oui, mais parce que eux, ils sont liés par la force de l'amitié. Ouais, ouais, on va dire ça. Non, mais ils deviennent amis très rapidement avant même que Harry devienne. Avant même que genre ils puissent ressentir entre guillemets la puissance de leur truc ou je ne sais quoi, tu vois. Et il y a celle que Mathilde m'a confiée la dernière fois sur le fait que Voldemort pourrait pas ressentir d'amour, de compassion, etc. parce qu'il serait né d'un filtre d'amour, en fait, de pas d'un amour réel. C'est ça. Donc voilà, c'est les petites théories. Il y a aussi celle selon laquelle il est chauve. Ah oui. Parce qu'il ne veut pas avoir de cheveux pour pas qu'on puisse lui prendre des cheveux, pour qu'on puisse l'utiliser dans une potion de polynectar et pour qu'on puisse pas prendre son apparence. Ça d'ailleurs, c'est super bizarre. Pourquoi est-ce qu'il faut précisément des cheveux pour faire du polynectar? Parce que c'est facile à prendre, tu fais axio cheveux. Ouais, mais en soi, s'il prenait un bout de peau, ça ferait de la dentaire. C'est hyper compliqué de prendre. Mais c'est pas de la science, c'est de la magie. Ouais, c'est ça. Non, mais la magie, c'est juste une science qu'on connaît pas encore. Hein. Mais justement, moi ça me dérange ça. Non, la magie, c'est de la magie. Et du coup, donc voilà, donc c'était les théories d'Harry Potter. Donc je vous conseille d'essayer de poursuivre parce que je pense que le grand secret n'est pas percé encore. Et voilà. Mais ça se trouve, J.K. Rowling, elle a juste fait ça. Enfin, elle a juste fait ça entre guillemets pour satisfaire l'appétit monstre de ses fans qui ne veulent pas avouer que Harry Potter s'est terminé. Moi, je pense que les théories, c'est un sujet assez, assez bizarre, assez ambivalent. J'aimerais bien qu'on fasse un petit tour de table, si ça vous dit, sur ce que vous pensez des théories, ce qu'on pense chacun des théories d'Harry Potter et même des théories pas sur Harry les Potter, sagas parce en général. Sont pas hyper, hyper cool. Mais sur les théories ? Ouais. Mais moi, je trouve que c'est une bonne gymnastique mentale d'aller au-delà de la soupe qu'on t'a servie pour créer autre chose, en fait. Même si parfois c'est vraiment alambiqué, ça veut rien dire. Par exemple, il y a des choses dans le bouquin qui n'ont pas été plus que ça. Par exemple, le fait que Neville et Harry auraient pu être tous les deux l'élu, mais que Dumbledore que Voldemort a choisi Harry plutôt que Neville. Et en fait, il y a une théorie qui dit que Rogue déteste Neville parce qu'il aurait voulu que ce soit lui. Non, il déteste Neville parce que... Bah, oui, il le boulie énormément dans les bouquins parce qu'il aurait voulu que ce soit lui l'élu et comme ça, Lily ne serait pas morte. T'as d'autres théories qui disent que Remus Lupin et Sirius Black sont amants. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, le premier truc que t'as cité, c'est une théorie crédible. Le délire de Sirius Black et Remus Lupin sont amants. Ouais. Qu'est-ce qui supporte ça dans le bouquin, dans le film, je ne sais pas, tu vois. Justement, dans le film, moi, dans mes recherches sur l'homosexualité dans Harry Potter, en fait, l'acteur qui jouait Lupin, le loup-garou, Alfonso Cuarón lui disait « Mais en fait, t'es homosexuel, joue comme un homosexuel. » Trop bizarre. Et il voyait en fait Lupin comme Moi, c'est ce que j'ai lu du reporté d'une interview. Mmh. Après, je suis pas allé chercher l'interview. Mais c'est bizarre parce que le personnage de Michel Lupin n'est pas du tout homosexuel. Bah, alors, il est bi, tu vois. Mais c'est pas avec Tonks, ils sont très amoureux, tu vois. Cuaron demandait à l'acteur de jouer Lupin comme une grande folle qui utilisait beaucoup trop de drogue. Mais trop bizarre. Surtout que c'est pas du tout comme ça qu'il joue. Enfin, justement. Non, et t'avais l'acteur qui lui a fait fuck off. J'ai lu le bouquin, je suis pas sûr que ce soit vraiment ça. Et vous pensez quoi, les théories? Moi, je pense qu'il y a deux styles de théories. Il y a les théories qui sont intéressantes et les théories, vraiment, c'est nawak. Je vais prendre l'exemple de Star Wars parce que c'est un exemple que je connais le mieux. Mm. Tu as une théorie sur l'épisode 7 qui dit que Rey serait la fille ou la petite fille d'Obi-Wan Kenobi parce qu'en gros, ils ont tous les deux un accent british et qu'ils portent tous les deux les mêmes fringues. Sauf qu'en fait, c'est pas possible chronologiquement parlant. Typiquement, c'est bullshit total. Ouais, c'est alors clair. Que la théorie d'Harry Potter qui dit que Jar Jar Binks est un seigneur Sith, elle est. La théorie de Harry Potter. De Star Wars. Putain, je suis désolé. Ouais. La théorie de Star Wars qui. T'imagines que... le crossover de l'enfer. T'as Jar Jar Binks d'Harry Potter. Avec Dobby et tout ça. Et là, t'as le personnage de Peeves qui apparaît, tu sais, le fantôme. Bref. D'ailleurs, Peeves, il est pas du tout. Qui est absent. Complètement des films. Complètement. Alors, justement, je pense que c'est un personnage cool dans le bouquin et je pense que dans le film, il aurait été chiant. Ça aurait été un comic relief un peu nul comme Jar Jar Binks, justement. Alors que ce qui est bizarre, c'est que dans les jeux vidéo, il est là tout le temps. Oui, et il te tout fait turbocher. Oui, il te fait turbocher de ouf. Du coup, je reviens à mon propos. Oui, vas-y. La théorie qui dit que dans Star Wars, Jar Jar Binks est en fait un seigneur Sith, elle est méga crédible. Oui, elle se tient vachement. Elle se tient vachement. Quand tu regardes l'épisode 1, tu vois que. Jar Jar Binks, il fait un triple salto backflip machin avant de tomber dans l'eau. Il arrive, il retourne dans la ville des Gungans et tout le monde l'évite. Mais en fait, ils ont peur de lui, tu vois, un peu comme s'il était vraiment vénère. Qui pue la merde. Et où tu vois dans le 1, à chaque fois qu'un personnage prend une décision importante, tu vois Jar Jar Binks faire un signe de la main, un peu de la manière dont les Jedi font un signe de la main. Enfin, il y a plein d'éléments. Pour étayer la théorie selon laquelle Jar Jar Binks est effectivement un seigneur Sith. Déjà, rien que le fait que Padmé se barre et qu'elle soit en mode « Jar Jar Binks et tout, tu peux prendre ma place au Sénat, s'il te plaît. » Et au final, le personnage qui octroie les pleins pouvoirs à Palpatine, c'est Jar Jar Binks qui propose de voter cette motion au Sénat, tu vois. Donc ça, c'est une théorie qui est super crédible. Et ça, je pense que c'est un exercice vraiment de fan qui est vraiment, vraiment très intéressant. Mais à l'inverse, t'as des théories qui sont vraiment nazes. Ouais. Mais Harry Potter, on pourrait faire un épisode de Coupin comme cochon sur Star Wars. Je ne serai pas là. Désolé, les amis. Je suis chaud, mais à 1 000 000 %, j'adore Star Wars. C'est ma saga cinématographique préférée de toute la Terre. D'accord. Mais surtout le 7. Là, on parle d'Harry Potter. Et je pense qu'aussi, la vitalité de toutes ces théories, ça se repose vachement sur la volonté des fans à ce que Harry Potter ne meure pas. C'est ça, c'est exactement ça. Ça fait vivre la saga après qu'elle soit finie. Ce que J.K. Rowling, je pense, voulait et a très bien compris quand elle a vu la thune que ça lui a rapporté Harry Potter. Oh, je sais pas si c'est que par l'argent. Franchement, je sais pas. Enfin, ouais. Je sais pas. Ce que je vous propose... Vu qu'on va faire, on va parler des fanfictions, vu qu'on parlait de la communauté Harry Potter, et que les fanfictions, il y en a des bonnes, hein, mais globalement c'est le cancer. Et franchement c'est plus marrant quand c'est le cancer. Ouais. Ouais. Je vous propose d'écouter un peu de cancer pendant que nous on fume une cigarette. Oh. Ah. C'est dégueulasse. C'est horrible, ça. C'est horrible. C'est immonde, je le dis. Tu l'envoies dans Pyrénées, quoi. On est désolé pour vos oreilles. Ouais. Non, mais tu vas juste transformer en boucle, là. C'est une style, quoi. Non, mais je crois qu'ils comprennent un peu la souffrance que c'était de préparer cette émission. Tu sais qu'il est en version 1 heure sur internet? C'est vrai. I wait for the drop. C'est l'enfer. J'arrête ça tout de suite. Donc moi, je vais vous parler d'une fanfiction qui est reconnue publiquement comme étant la pire fanfiction jamais écrite. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos YouTube. C'est quoi une fanfiction ? Ah, une fanfiction, c'est quand les fans étendent l'univers. Souvent, il y a des pairings, c'est souvent sexuel aussi. Et il y en a qui sont excellentes et il y en a qui sont très mauvaises. Bah attends, c'était pas. En gros, les fanfictions, c'est des fans qui écrivent eux-mêmes des histoires dans l'univers de leur série. Par exemple, les fanfictions de Harry Potter, ça va être des fanfictions dans l'univers de Harry Potter. C'est ça. À caractère souvent sexuel, comme le disait Mathilde. Mmh. Ouais. Et d'ailleurs, on voit souvent des fanfictions sur les sites porno. Bah d'ailleurs, si la fanfiction la plus connue. Non, pas que j'aille souvent sur les sites porno regarder des fanfictions d'Harry Potter, mais. Non, tu préférais sur le site d'En Marche. La fanfiction la plus connue, c'est quand même 50 nuances de Grey. Oui. Qui à l'origine est une fanfiction. Mais attends, c'est vrai. On me dit dans mon oreillette que la prochaine émission sera sur Twilight. Donc... Ah oui. Moi je suis pour. Donc je pense que l'on en parlera à ce moment-là. Ouais. Oh, le teasing de ouf. Alors. Oh là là. Donc la fanfiction a été écrite par XXX Bloody Wrist. 666XXX. Donc, hommage à toi, cher ami. XXX poignée en sang 666XXX. Ça ne s'invente pas. Voilà, elle a été écrite en 2006. Elle est connue pour être mal écrite, avec des inconsistances dans l'histoire et un non-respect total et insultant du livre original. Et tu me disais qu'elle était tellement mauvaise qu'elle avait une page Wikipédia. Elle a sa propre page Wikipédia, on en a parlé dans des journaux. Elle a des trucs YouTube. On va parler dans les jours. Elle fait 44 chapitres. Alors, la protagoniste. La protagoniste, c'est une vampire. C'est une vampire. Elle s'appelle Ebony. Mais le problème, c'est que l'auteur, parfois, il s'est trompé et il l'appelle Enobi ou Egogi. Déjà, ça commence bien. Alors, elle s'appelle. Ça fait Pornstar. Non, mais oui, attends. Ebony, c'est une catégorie sur Pornhub. Son nom en entier. Attends. Fais pas genre. Son nom en entier, c'est Ebony Darkness Dementia Raven Way. Elle a 17 ans, c'est une vampire, elle est à Poudlard, et elle fait partie de la maison des Serpentards. Mais est-ce que dans le lore de Harry Potter, il y a déjà des vampires ? Non, enfin oui, il y en a, si, il y en a. Avant, il y a des vampires. Pour les forces du mal. Donc en fait, Poudlard est divisé entre les gothiques et les preps. Donc, il n'y a pas preps... les émos qui sont un peu à côté ? Non, et en fait, donc tous les personnages sympathiques sont des gothiques. Parce que les gothiques, je vois, mais les preps, c'est quoi ? C'est les preppers ? Ouais. Les preppers, c'est ceux qui se mettent dans un bunker et qui attendent la fin du monde. Ah non. Ah. Les preppers, c'est ceux qui sont un peu d'inspiration japonaise, avec des petites jupes courtes. Les loliputes, là. Loligut. C'est ça. Et alors, en fait, elle a mis tous les personnages sympas chez Serpentard, c'est tous des gothiques. Dumbledore a eu un makeover gothique, hein, il faut le savoir. Alors, Ebony sort avec Draco Malfoy, qui est décrit comme sensible, timide et bisexuel. Hein, d'accord. Voilà. Elle apprend que avant Draco il sortait avec Harry Vampire Potter. Et du coup elle est vénère. Et du coup elle part pleurer dans la forêt interdite. Et là elle rencontre Voldemort. Et Voldemort il lui demande de tuer Harry Vampire Potter. sinon il va tuer Draco. Et elle fait non c'est mon mec. Et du coup quand il apprend ça, Draco il se suicide en s'ouvrant les veines. Sauf qu'en fait c'est tellement pas drôle. Sauf qu'en fait il y a une incohérence. C'est que c'est juste gothique. Après Harry a une vision de Draco prisonnier de Voldemort. Et du coup elle le sauve alors qu'il est censé être mort avant, hein. Et déjà la meuf elle sait même pas Egogi, hein. Du coup c'est devenu Egogi. Elle le sauve. Et ils vont tous à un concert de My Chemical Romance. mais Voldemort attends, arrive. Première partie de Fallout Boy, j'espère. Tu pourras intégrer un morceau de My Chemical Romance en post-prod pour que les gens se rendent compte. Ah, Voldemort arrive avec les mange-morts et il trash le concert de My Chemical Romance. Il faut aller voir My Chemical Romance sur Google Images en même temps, ouais. Parce que c'est incroyable. Mais attends, on en parle du fait que Voldemort ce soit un putain de rebelle. Genre, non, c'est trop une musique de conformiste, je vais aller leur niquer leur concert. Et qu'il arrive au concert de My Chemical Romance et qu'il doit te balancer des étincelles, genre en mode le black c'est mieux. Je sais pas. Alors j'ai pas tout mis, hein, parce que donc il y a Rogue et McGonagall, sauf qu'en fait elle s'appelle McGoogle ou McGoggles. Ils essayent de violer tout le monde en fait. C'est un film porno ta fanfiction, c'est pas possible. Alors du coup, Egoggy, elle essaie de remonter dans le temps avec Marty McFly et la DeLorean. Attends, Marty McFly et DeLorean, c'est pour le mot d'humour ou Non, c'est vraiment ça dans la fanfiction. Attends, donc dans la fanfiction Harry Potter, il y a Marty McFly et Doc. Ouais. Sauf qu'en fait, la DeLorean se transforme en iPod. Entre-temps, Ebony rencontre Satan ou Stan. Hein. Allez voir la page Wikipédia. Elle le ramène dans le temps présent et se transforme en Voldemort. Donc j'ai une citation en anglais. Traduite. He was so sexy that my body went all hot when I saw him. Like an erection, only I'm a girl. So I didn't get one, you psycho. Donc en français, c'est « Il était tellement sexy que mon corps est devenu tout chaud quand je l'ai vu, comme une érection. Mais sauf que je suis une fille, donc j'en ai pas eu, crétin. » Voilà, vous voyez un peu le niveau de lecture. Voilà, ma immortale. Je sais pas si c'est nul ou si c'est du génie. Je sais pas non plus. Et sinon, je vous ai fait un petit florilège des pires pairings dans les fanfictions. Pairing, donc c'est quand deux personnages se mettent ensemble en couple. Donc on a Hermione et le Choixpeau, qui s'appelle Sorting Hats Love sur fanfiction.com. On a Rogue et Jésus-Christ. What the fuck? Je sais même pas quoi dire. On a Poudlard et le poulpe géant dans le lac. C'est-à-dire que j'ai lu un extrait et le poulpe géant il fait « Oh mais Poudlard, je vais te remplir tes escaliers avec mes tentacules. » Vraiment. Le hentai qui tourne mal quoi. On c'est a chaud. Hagrid Dobby. Oh non, c'est sale. mais attends, moi ça me rappelle vachement la chanson de Didier Super. Ça, c'est intéressant. Petit caniche, peluche pour vieux. T'as mal à ton zizi tellement tu baisses tous les meubles. Mais, mais si je t'en tourne de Chatterton, c'est pour pas que t'exploses quand je t'encule. C'est un peu pareil que Dobby et Hagrid. Parce que le truc d'Hagrid, ça doit être un bras, quoi. On ça a aussi Harry Aragog. L'araignée ? Ouais. D'accord. Et Harry Dudley. Oh non. C'est sale. C'est terrible parce que quand t'as commencé ton truc, genre on va faire les pires pairings, moi je m'attendais à un truc genre... c'est Emma Watson, en fait elle sort avec Goyle, tu vois. Non, un peu le simple, tu vois, pas genre c'est Aragog qui sort avec Poudlard. Il y en a une autre où Malfoy pétrifie Hermione, il lui grossit son trou de nez pour pouvoir, pour pouvoir le baiser dans la librairie. Voilà. Dans la librairie, précisément. Ouais. Et j'en avais lu une à l'époque. Où en fait Draco il prend des moldus, il les transforme en Hermione, il les viole, enfin voilà, c'est ça se passe pas très bien quoi. Voilà, c'était la fanfiction. Putain, mais ces gens-là, genre, doivent être tellement détraqués dans leur vie. Ouais, plutôt pas mal, ouais. Mais je sais pas, mais là j'avoue que c'est pas mal. Aussi quoi. Hermione Voldemort. Ouais, mais ça. Ça, ça va. Tu vois, c'est pas comme Poudlard et le poulpe géant. Bon, et sinon, moi, je peux vous parler de mon dossier. Ah oui. Donc, je pense que nous allons passer au dossier de Mathilde. Un truc un peu plus sérieux. Moi, j'avais envie de vous parler des maisons de Poudlard, parce qu'il y a souvent la misconception que Gryffondor, c'est les gentils, Serpentard, c'est les méchants, et les Serdaigle, les poussoufs, qui servent à rien. Et en fait, j'ai trouvé sur Tumblr une nana qui fait de la psychologie et qui s'est inspirée du MBTI, des tests de personnalité, pour dessiner les grands traits de personnalité. Donc j'ai décidé de... Oui. Est-ce que tu peux faire un tout petit point sur ce qu'est le MBTI, précisément, pour les profanes comme moi ? Ça a été écrit par la mère et la fille Myers-Briggs, qui s'est inspirée de la psychologie de Carl Jung, la psychanalyse. Et en fait, ça se base sur 8 fonctions cognitives, qui sont soit introverties, soit extraverties. L'intuition, le sentiment, la pensée et le... je sais plus... J'en oublie toujours. Hein. Les sentiments, non ? Sentiments, pensées, sensations. Oui. Et donc, tu as 16 grands types de personnalités, avec 4 grands tempéraments. Et au niveau de la vérification scientifique de ce test, alors, quand on a calibré en gros le test, on a testé sur des étudiantes en médecine et des étudiants en école de commerce. Donc on peut penser qu'il y a des gros biais vu que ces disciplines sont quand même vachement associées à un tempérament d'aidant ou de dominant, entre guillemets. Mais malgré ce reproche, on retrouve une stabilité super forte. En gros, s'il y a 3 ans, tu étais un INFP, tu seras 3 ans plus tard un INFP. Mm. Ça reste stressable. INFP qui fait partie des idéalistes. Il y a aussi les rationnels, les gardiens et les artisans. Voilà, mais je pense qu'on fera un topo MBTI un autre jour, parce que c'est ma passion. Et en fait, alors ce qu'il faut comprendre à propos du Choixpeau et à propos des maisons de Poudlard, hein, c'est qu'en fait, on ne va pas dans une maison parce qu'on correspond forcément à ses traits de personnalité, mais c'est parce que c'est des traits personnels qu'on value, qu'on a envie d'embrasser. Par exemple, Hermione, typiquement, par exemple, Hermione, typiquement, elle aurait été Serdaigle, mais comme elle valorisait les traits de personnalité que je vais expliquer, je vais découper pour chaque maison, ceux des Gryffondors, elle est allée chez les Gryffondors. J'ai décidé de commencer par les deux maisons dont on parle le moins, Poufsouffle et Serdaigle, pour finir avec Gryffondor et Serpentard. Donc je vais commencer par Poufsouffle, en anglais Hufflepuff. Donc en fait, on dit que c'est les fumeurs de weed, parce que c'est Hufflepuff. Bah, c'est les terminales L, quoi. La pièce commune est à côté des cuisines. Elle est chaleureuse et cosy. Parmi les Poufsouffles connus qu'on peut citer, on peut dire Cédric Diggory, Newt Scamander. Attends, mais Diggory, il n'est pas Serdaigle ? Non, il est Poufsouffle. J.K. Rowling est elle-même une Poufsouffle. Et encore le professeur Chourave. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut dire des Poufsouffles ? Et t'as aussi le fait que leur emblème... C'est un blaireau. Ouais. C'est quand même la loose. Le professeur Chourave, qui est prof de botanique. Donc qui fait pousser de la bonne grosse weed. Elle fait grand faux pas. dans les serres de Poudlard, soit... Ouais, peut-être. Alors, je vais vous faire une description des Poufsouffles. Donc en fait, ce sont des... Albicraft du cucra. Albicraft sévère. Donc en fait, ce sont des personnes pacifiques, qui n'aiment pas le conflit ni la violence. Des personnes qui aiment la nature, qui ont un lien spécifique avec elle, avec les plantes, les animaux, qui préfèrent généralement les animaux aux humains. Qui ont une grande sensibilité, qui donnent beaucoup, qui ont une nature de guérisseur. Ils ont la tendance à vouloir beaucoup faire plaisir aux autres. Ils veulent naturellement mettre les gens confortables. Ils sont loyaux, empathiques. Ils détestent la compétition et se comparer aux autres. Ils peuvent être très intellectuels concernant un ou plusieurs sujets. Ils aiment beaucoup le sens de l'observation. Ils peuvent avoir un côté artistique. Ils ont tendance à avoir plutôt quelques potes très proches plutôt que plein de relations plus superficielles. Les carrières vers lesquelles ils vont s'orienter, ça va être aide-soignant, infirmier, le psychologue, sociologue ou métier artistique. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de sciences sociales dans l'univers d'Harry Potter. C'est ça. Donc, ils sont un peu dans la merde. Ouais. Les points négatifs, c'est qu'ils peuvent être procrastinateurs parce qu'ils ont tendance à être tellement idéalistes qu'ils perdent le contact avec les choses terre à terre. Ils sont confondus, tu parles. C'est un mal contemporain, la procrastination. Hein. Ouais. Ils peuvent être nostalgiques et mélancoliques. Voilà. Retrouver la thèse de Jean-Michel Universitaire, procrastination un mal moderne. Par exemple, moi, je m'identifie totalement à Poufsouffle parce que j'ai un lien très fort avec les animaux, j'aime aider les gens... Je pense que Morgane ici présente aussi et Poufsouffle. Ouais. Bah, pour donner une idée, Mathilde pleure devant des chiens. Non, ça va. Ok. C'est vrai que quand j'avais fait mon test Pottermore, etc., j'étais toujours Poufsouffle. J'étais toujours Poufsouffle. Alors maintenant, les Serdaigles. On a un Serdaigle ici présent et je le regarde. C'est pas très radiophonique. Je crois que c'est moi. La salle commune est en haut d'une tour. Parmi les Serdaigles connus, on peut dire Luna Lovegood, Gilderoy Lockhart, ou encore dans la culture mainstream, Sheldon Cooper. Sheldon Cooper, ouais. Sheldon Cooper. Non, c'est Big Bang Theory. Theory. Ah, excuse-moi, je regarde pas les séries de merde. C'est vrai. Oh, je quitte cette émission tout de suite. Alors, les Serdaigles sont très intellectuels, très concentrés sur les tâches qu'ils entreprennent. Ce sont souvent des encyclopédies sur pattes. Ils sont observateurs, très curieux. Ils aiment être seuls, autonomes et indépendants. Ils ont de l'imagination. Ils adorent le débat. Ils peuvent juger, par contre, facilement les autres. Ils cassent facilement leurs émotions et leur vraie nature en public. Ce sont des êtres secrets. Ils peuvent avoir beaucoup de hobbies et de natures très variées. Donc ça peut être aussi bien la couture, le dessin, la mécanique, la lecture, l'astronomie, la musique. Hein, Jules ? Ouais, c'est Jules tout craché, quoi. Ils aiment avoir des amis proches, mais ont tendance à fuir les grands groupes de personnes. Donc ils n'ont pas de très bons social skills. Hein. Ils choisissent des amis qui vont les challenger intellectuellement ou émotionnellement. Vraiment, ils cherchent à être stimulés, en fait. Les points négatifs, c'est qu'ils peuvent être rigides, perfectionnistes et qu'il y a un petit complexe de supériorité. C'est pas un complexe, je suis supérieur. Les carrières les plus sociables vont aller vers la psychiatrie ou l'enseignement. Et les plus logiques iront dans des carrières scientifiques, donc les mathématiques, l'architecture, la biologie, mais aussi la littérature. Voilà, donc Jules est complètement un Serdaigle. Les Serpentards. j'en regarde un. Présentement. Alors. Adrien. Tout ça parce que je suis néolibéral. La salle commune, c'est un donjon souterrain avec une grande baie vitrée qui donne sur le lac. Et tu d'ailleurs, il y avait une. SM. Il y avait une. Et alors ? Qu'est-ce que t'as contre eux, hein ? Il y avait une théorie qui disait en fait que comme leur salle commune donnait directement sur le lac, que en fait ils communiquaient avec les sirènes dans le lac et que tous les serpentards savaient parler le langage des signes. Du coup, parce qu'ils communiquaient par langage des signes avec les sirènes et que les sirènes donnaient des très mauvais conseils dans les relations amoureuses. Et j'aimais beaucoup cette petite théorie de fan. Voilà. Donc les serpentards. Ça me ressemble pas du tout. Jusque là. Donc ils sont ambitieux, sûrs d'eux, travailleurs. Ils ne se laissent pas submerger par leurs émotions. Une fois qu'ils ont un but, ils feront tout pour l'atteindre. Ils ont une grande détermination. Ils aiment accomplir des choses et ils se donnent toujours des buts à atteindre. Ils sont persuasifs. Ils peuvent manquer de tact. Ils n'aiment pas perdre leur temps. Ils ont besoin de faire des choses qui leur sont utiles. Ils sont doués socialement. Ils peuvent s'adapter facilement aux situations. L'amitié ne fait pas partie de leur but premier, mais quand ils ont de bons amis, ils feront n'importe quoi pour eux. Ils ont du mal à s'excuser. Ils ne supportent pas la faiblesse et ils sont indépendants. C'est Arnold, en fait. Non, pas du tout. Non, Arnold, c'est un griffondeur. Les points négatifs, c'est qu'ils sont peu ou pas du tout empathiques. Ils peuvent être narcissiques et perfectionnistes. Oh. Ils vont s'orienter vers des postes prestigieux parce qu'ils veulent le meilleur. Donc, chirurgien, avocat, journaliste, politique, etc. Voilà. Voilà pour les serpentards. Donc, Adrien, je pense que tu peux être serpentard. Tu portes une chemise verte. Elle est marron. Alors. Elle est marron vert. Les Gryffondors. Alors, les Gryffondors sont considérés comme purs, doués de morale, qui veulent faire le bien. Ils font plus qu'ils ne pensent, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à se résoudre à l'action sans trop réfléchir. On dit qu'ils ont un courage borné. Ils sont spontanés, ils ont de l'instinct, de la loyauté, ils ne laissent pas tomber les autres. Ils sont émotionnels, impulsifs. Ils ont tendance à vouloir protéger les faibles. Eux aussi manquent de tact. Ils sont compétitifs, ils ont à la fois des grands groupes de potes et des amitiés très proches. Ils sont aventureux, ils peuvent être très famille, très traditionnels, autant dans la religion que dans la politique. Ils aiment les sports dangereux ou à sensation. Ils sont énergétiques, athlétiques. Ils aiment la collaboration, le contact avec les autres. Quand on les boit, on a plus d'énergie, c'est ça ? C'est ça, exactement. Ouais, point négatif, ils peuvent être narcissiques, avoir un point de vue dichotomique. S'ils deviennent dépressifs, ils peuvent être très dépendants des autres. Complètement Arnold. Ouais. C'est complètement... Mais non. Carrière, métier social, politique, sport, médias, le droit, etc. Voilà. Mais c'est dingue parce que là, il y a beaucoup de points communs entre Gryffondor et Serpentard. Mais oui, bah, c'est le but. En fait. C'est un peu les deux versants d'une même pièce. Quoi. Ah bah oui. C'est vrai que je suis vraiment dans pouf souffle. C'est juste que c'est vraiment pouf souffle quoi. C'est un peu la loose. Et justement, la nana qui a fait ça, en fait, elle a fait un autre truc en fait qui disait que tu pouvais faire partie de deux maisons à la fois. Où vraiment elle pousse l'analyse à sa finesse la plus totale. C'est-à-dire qu'elle va vraiment merger les deux maisons et créer une personnalité. Oui, oh. C'est vrai que mais, c'est mais beaucoup justement... d'anglicisme quand même. Bah oui, c'est pas ma faute, je suis bilingue. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Moi aussi, je suis bilingue, je parle français. Tu serais refusé sur un chantier français, hein, sache-le. D'accord. C'est en tout cas en Île-de-France. La loi Molière, c'est ça ? La clause Molière. Ça tombe bien, je vais travailler en hôpital. Donc, mes fesses. Mais c'est dingue parce que là, quand on est en train de parler de ça, et la précision avec laquelle on se retrouve dans ces types de personnalités est assez flagrante. Enfin, J.K. Rowling a vraiment mis le doigt sur quelque chose. Bah oui. Parce que Mathilde est complètement pouce-souffle. Ouais, oui, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un peu un effet Barnum derrière bah tout non, ça non, pas du tout. Un peu comme dans tous les types de personnalités. Mais... Non, c'est pas un effet Barnum parce que tu peux pas à la fois te... Enfin, dans les descriptions que j'ai faites, c'est des personnalités qui sont très différentes. Juste tu peux pour pas confondre clarifier l'enfer d'aigle avec un pouce-souffle. Juste pour clarifier, l'effet Barnum, en fait, c'est le fait, lors d'un test... de se reconnaître instinctivement dans la description qui est faite. Par exemple, dans les tests d'astrologie, quand on va dire vous êtes à la fois fort et vous ressentez des grands sentiments que vous avez tendance à cacher en public, et ben cette description, elle correspond à tout le monde en fait. Ouais. Et c'est ça l'effet Barnum. Bah non, moi je pleure en public. Hein. Si tu vois des chiens. C'est des samoyèdes, ok. C'est se reconnaître des dans, chiens. Dans n'importe quoi. Quoi de... Ouais, c'est ça. Parce que ça te décrit profondément. C'est le fait d'avoir un test un peu fake au final. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas vraiment le cas. Je vous renvoie vers ici. Esprit, sciences et métaphysique ou psychologie.com pour de parfaits exemples d'effets Barnum. Mais justement, c'est que ça s'est aussi basé sur la théorie des quatre grands tempéraments, mélancolique, sanguin, colérique et je sais plus l'autre. Ouais, enfin, typologie qu'on a quand même abandonnée depuis le XVIIe siècle. Et aussi, ouais, enfin là, c'est vraiment basé aussi sur le... Le clash de philo et tout. Sur le psycho. Sur le tempérament du MBTI, c'est-à-dire que les poufsouffles ont tendance à être des idéalistes, les griffons d'or des gardiens, les serpentards des artisans et les rationnels, ce sont les serfs d'aigle. Voilà. Mais on fera un podcast sur le MBTI. Je sais pas si on peut faire un podcast spécial sur le MBTI. Oh si, t'inquiète pas. Il y aura que Mathilde. Que Mathilde qui parlera pendant 2 heures du MBTI parce que c'est sa passion. Ça n'intéresse personne. Effectivement. Mais c'est vraiment impressionnant. C'est vrai que c'est une analyse intéressante. Blague à part. Mais oui, parce que ça m'énerve à chaque fois quand les gens ont fait le test Pottermore et qu'ils disent oh, je suis arrivée chez Poufsouffles, les Poufsouffles c'est les plus nuls et tout. Je suis en mode bah non, enfin c'est juste que c'est des choses qu'on ne value. C'est quoi le verbe en français ? Valoriser. Qu'on ne valorise pas aujourd'hui, c'est le fait d'être très sensible. Le fait de préférer les animaux aux humains, le fait de venir beaucoup en aide aux autres, bah non, on va plutôt valoriser le fait que bah t'es très orienté intello ou plus carrière. C'est vrai que c'est un peu considéré comme faible en fait. Oui, mais objectivement, Harry Potter à l'école des sorciers, Harry Potter met le choix-peau, pouf souffle, la saga est finie, tu vois. Ouais, c'est clair. Bah non, parce que oh, vous êtes nul. Alors... Ron, c'est un peu un pouf souffle en soi. Oui, mais justement, c'est ce que et Hermione, j'expliquais. C'est une serre d'aigle, tu dis ça parce qu'il est roux. C'est ce que j'expliquais au début de mon dossier, c'est que ce n'est pas un reflet de ce que tu es, mais de ce que toi tu valorises et de ce que tu veux être. Mais c'est ce que dit le choix-peau, hein. Il dit c'est vous qui choisissez. Enfin. Voilà, c'est ça, parce que sinon Harry serait allé chez Serpentard, parce qu'il est à la recherche aussi, Harry, d'une reconnaissance sociale, vraiment. C'est vrai, au final, il sert à quoi ce choix-peau Parce qu'au final, Harry, il arrive, il fait genre pas Serpentard, oh, ok, bah Gryffondor alors. Enfin. Oui, mais c'est un peu pour le côté un peu en mode tout le monde pense que t'es allé dans la maison, enfin t'as pas choisi, tu vois, alors qu'en fait tu l'as choisi. Ouais. Bah ouais, parce que après, par exemple, le fait que tous les Weasley le fait que tous les Weasley aillent chez Gryffondor, ça montre que dans la famille on valorise ces valeurs-là. Sauf Percy. Non, Percy. Non, même Percy, il est Gryffondor. Ouais. Ah, c'est lui qui est préféré. Malgré le fait qu'il soit fonctionnaire. Ouais, mais ça c'est aussi très intéressant hein, dans les bouquins. Qu'est-ce que t'as contre les fonctionnaires? Absolument rien, c'est toi et ta vieille idéologie là. Quoi? Mais ce n'est pas la question. Bon, je propose que l'on fasse une petite récréation avant de passer à la dernière partie de ce podcast que l'on imaginait beaucoup plus long, mais en fait on a bien avancé. Et la petite récréation consistera en la lecture de quelques passages d'Harry Potter qu'on a pu trouver sur internet, dans lesquels ils ont remplacé baguette par bit. Donc éloignez vos enfants du podcast. Oui, on sait que ce podcast est écouté partout. Cachez vos enfants. Après ça, nous parlerons des jeux vidéo Harry Potter. Oh oui. Qui sont d'une qualité assez médiocre, mais oh non, voilà. Des suites aussi. On en oui et des suites. Si on a un peu de temps, on fera un quiz. Ah oui, on fera un quiz. On fera un quiz, oui. Commençons par les fanfictions qui vraiment. C'est pas des fanfictions. Non, pas des fanfictions, mais des détournements. Ça vaut le détour, ne mens. Excellent, merci. Merci beaucoup. Bravo. Ok, alors. Première lecture, c'est dans le 1. Harry Potter fit alors quelque chose de très courageux et très stupide. Il prit son élan, sauta au cou du troll et parvint à s'accrocher derrière lui. Le troll ne sentait pas le poids de Harry. En revanche, il sentait très bien le pénis qui lui était entré à droite dans la narine. Le rire trop glauque de Mathilde. Aussitôt, une petite lumière apparut à l'extrémité du pénis, diffusant une lueur suffisante pour repérer la présence d'araignées par terre. Bonne idée, dit Ron. J'aurais bien voulu en faire autant, mais dans l'état où est mon pénis, il risque d'exploser. Malfoy semblait combattre une forte envie de hurler ou de vomir. Il déglutit et respira profondément à plusieurs reprises, lançant des regards mauvais à Dumbledore. Son pénis pointé sur son cœur. C'est difficile quand même. Comment tu fais pour... Ah oh bah non, tu l'attrapes. Mathilde s'y connaît. Mathilde, t'es au taquet sur les pénis. Futur sexologue. Ouais. Vous parlez des pénis comme s'ils avaient des sentiments, remarqua Harry. Mais ils en ont. Ils en ont. Comme s'ils pouvaient penser par eux-mêmes. C'est le pénis qui choisit son sorcier. Voilà au moins une notion indiscutable pour tous ceux qui ont étudié l'art des pénis magiques. Mais on peut quand même utiliser un pénis qui ne vous a pas choisi, non ? Fit observer Harry. J'ai pris ce pénis à Drago Malfoy par la force. Puis-je m'en servir en toute sécurité ? Tu dis Malfoy, par contre, c'est un peu dur. Bah, en fait, c'est que quand j'étais petit, Harry Potter, je les ai lus des dizaines de fois, mais j'ai aussi eu les CD lus par Bernard Giraudot, qui disait pas Malfoy, mais Malfoy. D'ailleurs, sur tous les sites les plus légaux du monde, vous pouvez trouver les enregistrements de Bernard Giraudot qui lit Harry Potter, et... C'est franchement super cool. Moi, ça m'a aidé à m'endormir pendant facilement 5-6 ans. On en fait une dernière pour la route. Une dernière. Allez. Il lui donna un bon coup de pénis sur le crâne. Et Harry éprouva une étrange sensation, comme si Maugrey venait de lui écraser un œuf sur la tête. Un liquide froid semblait couler le long du corps de Harry. Oh, c'est dégueulasse. Voilà. Bon, anecdote un peu fun pour... Aller par-dessus cette lecture tout à fait édifiante. Merci. La toute première scène de Harry Potter 3, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, c'est une scène qui n'est pas dans le livre où tu vois Harry Potter qui est sous sa couette avec sa baguette magique en train d'utiliser le sortilège pour faire de la lumière. Alors pour regarder son livre. Il te virait de l'école normalement parce qu'il fait de la magie en voilà. L'école. C'est une grosse incohérence. C'est une manière de dire, de manière un peu métaphorique, que Harry, 14 ans, joue avec sa baguette sous la couette. C'est vrai. Mais oui, d'ailleurs, juste un truc là-dessus. Comment est-ce que... Parce que t'es viré de l'école si tu utilises des sorts en dehors de l'école. Mm-hmm. Mais comment les sorciers se rendent compte de ça? Il y a des tracking devices sur leur baguette. Oui, je pense qu'ils ont des tracking, ouais, un truc comme ça. Ouais. Bah, ils sont trop forts. C'est Google, ils savent tout, de toute façon. Ouais, c'est Google, les sorciers. Ouais, je pense que c'est Google, ouais. Ok, c'est ça. Est-ce qu'on fait un petit quiz? Ils récoltent les données. Bah non, on va parler des jeux vidéo. Le quiz, ce sera ensuite. Ok, on va parler des jeux vidéo Harry Potter maintenant. Alors, les jeux vidéo Harry Potter. Donc, je suis pas d'accord avec Jules. Il y a pas mal de jeux vidéo Harry Potter que j'ai trouvé vraiment sympa, déjà parce qu'ils introduisent. Donc, comme on a dit tout à l'heure, ils introduisent des personnages qui sont pas dans les films, par exemple Peeves. Et moi, je me rappelle particulièrement d'un jeu vidéo sur PS2. C'était Harry Potter 5, je pense. C'était Harry Potter 5, ouais. Et en fait. Déjà, il y a vraiment tout le château, donc c'est complètement libre dans l'univers. Et en fait, ce serait pas un open world. Non, pas à ce point-là. Mais tu dois chercher des objets. Enfin, c'est vraiment un truc un peu exploratoire, je sais pas comment dire autrement. Et il est vraiment, vraiment bien. Enfin, moi, je l'avais vraiment aimé. J'ai pu passer des heures avec la musique. T'as la musique partout et tu vas dans tous les recoins du château. Enfin, je sais pas, moi, j'ai trouvé ça cool. Moi, je me souviens surtout du premier jeu vidéo Harry Potter 1, donc à l'école des sorciers. Où c'était génial parce qu'en fait pour apprendre un sort tu devais tracer le tracé de la baguette avec ta souris. Là, oh oui, j'ai joué à ça aussi. Il était génial, hein. Oh putain, le souvenir de ouf. Ouais, t'as vu. Et c'était génial parce que grave, j'ai joué à ça aussi, ouais. Mine de rien, il y a plein de petits trucs à débloquer avec l'argent. C'était des dragées surprises de Bertie Crochu. Oui, grave. On pouvait débloquer des cartes de Choco Grenouille. Et ce qui était super fun, c'est que c'était pas un jeu vidéo adapté du film. C'était un jeu, comme le disait Morgan, c'était un jeu vidéo adapté du livre. Donc on avait Peeves qui arrivait en mode random pour nous shipper nos dragées. Ce que tu pouvais lire sur les cartes de Choco Grenouille, c'était pas forcément des choses qui étaient dites dans le bouquin. C'était des choses que voilà, tu pouvais trouver dans le livre ou dans l'univers étendu. Et qui t'en apprenaient vraiment beaucoup. Juste un bémol, le Quidditch. Je sais pas si vous en souvenez. J'ai du mal à me souvenir. Moi, j'ai pas joué à celui-là, je pense. Ah bah, j'ai du mal à me souvenir, en fait, j'avais vraiment 10 ans. Quoi. En fait, Harry Potter devait. Enfin, on incarnait Harry Potter, bien sûr. Et on était sur son balai et on devait voler à travers des cercles, comme dans un jeu de course, en fait. Et c'était juste incontrôlable. Donc, c'était un peu l'enfer, c'était le cancer. Mais c'est vrai que les premiers jeux Harry Potter sur ordinateur, le 1, le 2, je pense, ils étaient quand même hyper durs. Enfin, moi, j'étais peut-être petite, mais j'avais bien galéré. Et après, Harry Potter est arrivé sur Wii. Ah, le 1, moi, j'ai le souvenir de l'avoir fini, le jeu. Ouais, moi, je pense que c'est le 2 où j'ai bien galéré sur ordinateur. Par contre, j'ai joué à Harry Potter 2, donc Harry Potter et la Chambre des Secrets, sur Game Boy Advance. Oui, tu dis ça, mais sur c'était Game Boy... C'était horrible. Sur Game Boy Color, t'avais le 3, le Prisonnier d'Azkaban, qui était adapté en RPG, et c'était un RPG role-playing game, donc, genre Dragon Quest, Xenoblade, etc. Et ce RPG était ultra riche, t'avais un système de combat super bien ficelé, avec à la Final Fantasy une jauge d'action qui se remplit. Et c'était super bien ficelé, t'avais plein d'unlockables, t'avais des donjons optionnels, t'avais plein de trucs. Mais tu voulais nous parler des jeux vidéo que t'avais sur Wii. Ah oui, alors donc oui, j'ai eu la Wii, il y a enfin la Wii m'a beaucoup déçu. La Wii t'as eu. La Wii m'a eu, et elle m'a énormément déçu, à part pour Zelda, en général. Pour bref. Xenoblade, Smash Bros, il y a eu des bons jeux sur Wii. Super Smash Bros Brawl quand même. Des bons jeux, j'irai pas jusque là, mais bon. Elle a détruit des licences qui ont fait toute mon enfance, genre Spyro, tu vois, et ça c'est dur. Bref. Et donc elle a fait Harry Potter aussi. Et alors là, c'était le calvaire total. Et c'est très très moche déjà. Il n'y a pas de sort. Enfin, vraiment, tu te fais chier en plus. Enfin, c'est vraiment horrible. Donc je pense que la Wii a détruit Harry Potter en jeu vidéo, définitivement. Est-ce que tu pouvais lancer tes sorts avec la Wiimote, genre en Non, c'était nul. C'était nul. C'était nul. C'était nul. Oh, c'était mauvais. Mais Harry Potter, c'est donc il y a eu les premiers jeux que je sais pas pourquoi. Enfin, Harry Potter 1 parce qu'il était adapté du livre. Mais ensuite, t'as eu des bons jeux, dont je parlais du Harry Potter 3 sur Game Boy Color, qui était un super RPG. Le 2, Adrien, il va avoir des plutôt bons souvenirs. Bah, j'ai un bon souvenir, parce que c'était un jeu auquel je jouais quand j'étais gamin, du coup c'est nostalgique, tu vois, mais ouais. J'ai pas un souvenir très... En même temps, je suis pas un grand joueur de jeux vidéo non plus. Donc, ouais. Mais à partir du moment où les films ont commencé à avoir un succès ouf, les jeux sont devenus de la grosse merde. C'était que fait par Ubisoft ou Electronic Arts. Et fin, c'était des Assassin's Creed du pauvre. Quoi. Ouais, un peu. Déjà que Assassin's Creed, c'est pas des très bons jeux. Alors... Sauf le 5 sur PS2 que je conseille vraiment, qui est vraiment un bon jeu. D'accord. Enfin, encore une fois, je m'y connais pas bien en jeux vidéo, mais je reprends les paroles d'Arnold qui disait que globalement, tous les jeux vidéo à licence, c'était assez nul. Ouais, c'est de la grosse merde en général. C'est vrai que c'est. Ouais. T'as des exceptions, t'as les Blues Brothers sur Nintendo 64 qui est très très bon. Oula. T'as un jeu, les Blues Brothers. Okay. Ouais. Bah, à l'instar du film, il est très très bon. T'as DuckTales sur SNES, enfin sur Super NES, qui est super super cool. Mais après, ouais, c'est vrai. Ouais, après, t'as quand même des gros dos. T'as les jeux Tortue Ninja, c'était la torture. Ouais, les jeux Batman. Les jeux Marvel en général sont pourris. Même encore aujourd'hui. Ça. Même encore aujourd'hui, hein, c'est encore pire. Et t'avais surtout la némésis du jeu vidéo qui était l'adaptation de Terminator 2 sur Amiga. Ah, ça j'ai pas fait ça. Je l'ai fait sur émulateur, c'était parce que j'adore Terminator. Mais c'était l'enfer. C'est vrai que j'ai joué à très très peu de jeux à licence finalement en fait. Donc tant mieux. Bah tu as bon goût. Félicitations-toi. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur les jeux vidéo? Je pense qu'on peut partir sur un quiz. Un quiz. Un quiz. Allons-y. J'espère que t'as fait des règles pour qu'on puisse répondre, etc. Allez, c'est parti, le quiz Harry Potter. Alors, je ne sais pas si... parce que c'est vrai qu'il faut avoir lu les bouquins, peut-être, pour répondre à certaines questions. Alors, qui est le contrôleur du Magicobus? Je sais. Ouais. Comment il s'appelle? Stan quelque chose. Alors. C'est un gros Rastaman. Non, c'est un mec tout ripou. Non, je sais pas. Qui vient plus ou moins à Mangemort, je crois. Alors, on a Ernie Macmillan, Zacharia Smith, Denis Crivet ou Stan Rocade. Stan Rocade. Ouais. Et d'ailleurs, pour cette scène, les têtes réduites dans les films ne sont pas dans les bouquins. Ça a été un peu rajouté. D'ailleurs, c'est très moche. Et on revoit les têtes réduites 30 minutes plus tard dans un des bars de Paul Lollard. Ouais. Je sais pas ce que font les têtes réduites dans ce film. Oh, dans le bus, je trouve que ça passe, moi. Ouais, moi, je trouve que c'est un bon comic relief. Ouais. Stan Rocade qui devient un mange-mort. Oui. Je m'en rappelais pas du tout. On en parle juste du fait que quand Harry s'écrase sur la vitre, c'est affreux. Oui, c'est affreux. C'est ridicule. C'est clair. Deuxième question. Qui est la seule personne à terroriser Peeves, l'esprit frappeur de Poudlard? Est-ce que c'est Albus Dumbledore? Non. Remus Lupin? Non. La Dame Grise ou le Baron Sanglant? Le Baron Sanglant. Ouais. Est-ce qu'on peut faire un rappel sur qui est le Baron Sanglant? Vas-y. Ouais. Bah, en fait, c'est un fantôme. Qui en fait dans l'histoire de Harry Potter, on l'apprend dans le 7, avait poursuivi la fille de Helena Serdaigle, qui avait caché du coup le diadème qui est devenu un Horcrux plus tard. D'accord. Mais c'est pas un des fantômes qui représente une des maisons. C'est le fantôme de Serpentard, mais je suis pas sûre. Je crois. Ah, c'est possible. Ouais. Je crois que c'est le fantôme de Serpentard. Alors quel est le rêve? Quel est le rêve de Nick quasi sans tête? D'intégrer le club des chasseurs sans tête. Oui. Bien joué. Ah putain. En quoi peut se transformer Rita Skeeter? Attends, on peut... En souris? Non. En musaraigne? En cafard? Je crois que c'est le cafard, ouais. Ah ouais? J'ai dit ça au pif, hein. C'était ça, je crois. Le cafard, bien sûr. Le cafard, ouais. Bah, non, c'était un scarabée. Ah. Oui, c'est quand même plus classe que le cafard. Mais juste le club des chasseurs sans tête, on peut en parler parce que Nick quasi sans tête. Je ne peux pas intégrer le club des chasseurs sans tête. Parce que quasi sans tête. Lors de sa décapitation, ils lui ont laissé un lambeau de peau sur le côté, ce qui fait qu'il n'est pas décapité complètement. Et donc, il ne peut pas intégrer le club des chasseurs sans tête. Grand moment de traumatisme d'ailleurs dans les films. Oui, dans le premier. Mais pourquoi quasi sans tête? Pour ça. Et il s'arrache la tête et on voit ses entrailles et c'est... C'est un peu dur. C'est dégueulasse. Ça m'a choqué. D'ailleurs, il aime pas ce nom, le pauvre. Hein. C'est Sœur Nicolas. Oui, hein, pour oui. C'est Sœur Nicolas. Pour les de Pendridge. Sœur Nicolas de Pendridge. Mathilde, dans quelle boutique atterrit Harry la première fois qu'il utilise la poudre de cheminée? Je sais. Je vois la c'est boutique. C'est chez Burgeot et Bork. Ouais, c'est Burgeot et Bork. Moi, je suis nulle, je suis pas assez rapide, en fait. Quel est l'ordre des frères Weasley, du plus petit au plus grand? Quel si est tu fais quelque chose de mal, ne le dis non, pas. Non, l'ordre, c'est-à-dire lequel est né avant l'autre. Le plus petit, c'est Ginny. Non, c'est les frères. Ah, les frères. Donc, le premier, du coup, c'est Ron. Ouais. Ensuite, après, il y a Percy. Fred et George. Fred et George, Percy, et Bill et Charlie. Fred. C'est ça. Ah, Bill et Charlie. Ceux-là, ils sont tellement useless. C'est un peu useless. On les voit pas beaucoup. Comment s'appelle l'elfe de maison de Barty Croupton? Dolohov. Kimmy, Winnie, Winky, Winmy. Putain. J'en ai parlé tout à l'heure. Hein. Ouais, t'en as parlé, c'est pas Winnie. J'ai dit whisky. en fait, c'est Winky. Winky. Winky, ça aurait été marrant. Bah. Comment Victor Crumb s'enspart-il de l'œuf du dragon pendant la première épreuve du tournoi des trois sorciers? Aucune. Alors, est-ce qu'il transforme un rocher en labrador? Ah non, il se transforme en requin. Ah non, ça c'est un... Non, ça c'est... Est-ce qu'il vise les yeux du dragon? Oui, c'est lui qui vise les yeux. Est-ce qu'il utilise le sortilège Axio? Ou est-ce non, ça, que c'est en volant... Avec son éclair de feu. Je ne me rappelle plus. Si, je crois que c'est en volant parce qu'il est, enfin, il est attrapeur de Quidditch à la base, du coup je pense que c'est en volant. Mais non, Harry Potter c'est le seul qui a fait le truc du balai. Alors... Non, je pense pas. Justement, je pense que Victor Crumb le fait aussi. Parce que justement, c'est dans le même épisode où il est attrapeur à la Coupe du Monde de Quidditch, je sais pas. En fait, il me demande de me connecter à Facebook, donc... Cette émission est très préparée. cette émission était très préparée, mais là, on est parti en mode freestyle. D'ailleurs, je dérape un peu, mais je me souviens d'un truc incroyable, c'était la bande-annonce de Harry Potter 4, où c'était la même année qu'une Coupe du Monde de foot. Je crois que c'était 2006, du coup. Oui. C'était 2006, et la bande-annonce, c'est... Cette année, un événement incroyable va bouleverser le monde sportif. La Coupe du Monde de Quidditch. Pas mal. Et bam, ça lance la bande-annonce du 4. J'en ai un qui est plus sympa. Comment Vas-y. Se nomment les sucreries qui peuvent avoir des goûts très surprenants? Les dragées surprises de Bertie Crochu. Bravo. Facile. Ça va, c'est facile. Oui, c'est vrai. Quel est le dernier Horcrux de Voldemort à être détruit? Bah c'est Harry. Harry. Non, c'est le pénis. Mais non, c'est le... Ah non, c'est le serpent. C'est le serpent. Vous avez c'est raison. C'est le serpent, ouais. Bravo, exact. Morgane. Toi, t'as le nord. Pourquoi le fils de Harry et Ginny est-il nommé Albus Severus? Parce que c'est le nom des deux directeurs de Poudlard. Bah, c'est vrai. Ouais, c'est pour, c'est pour rendre... D'ailleurs, il y avait eu tellement de posts drôles sur Tumblr. Hagrid Dobby Potter. Tu t'appelles... Je trouvais ça drôle. Que contient la première baguette de Harry? D'une poil de licorne. Non. Une plume de phénix. Ah, vous avez tous les deux... Oui, mais il n'est pas une fausse réponse avant, il a gagné. Lequel C'était de la ses... même plume. Lequel de ces sorts ne fait pas partie des sortilèges impardonnables? Sectum Sempra. C'est celui-là. C'est celui-là. Ah. Ouais, d'ailleurs, il vient d'où Sectum Sempra? Alors, c'est celui c'est le, dans c'est celui le sang mêlé. De sang mêlé. Ouais, ouais mais d'accord, mais... Qui a été inventé par Rogue lui-même. Mais d'ailleurs, les sorts... d'où viennent leurs noms? C'est des mots latins. C'est le latin parce qu'elle a étudié le latin à l'université. Mais même les prénoms des personnages. C'est Bruce. Ouais, et puis il y a pas mal de français Hermione. Aussi. Maraudeur. Maraudeur, c'est bien du français. Voldemort. Ouais. D'ailleurs, c'est très mal traduit parce qu'à chaque fois, ils disent « Oui, Thief of Death ». Non, tu sais, ils font genre « Flight of Death » et je suis en mode « Bah non, c'est plus... » Genre, Voldemort. Les gens traduisent très mal. Dans quel contexte, dit Caroline? Ah oui, non, mais ça, je l'ai déjà dit. Comment sont appelées les personnes nées de sorciers mais sans pouvoir? Les craquemolles? Les craquemolles, c'est ça. Ah ok, bah donc maintenant je pense qu'on peut passer aux suites d'Harry Potter, parce que Harry oui. Potter, on a eu tous les films, on a eu tous les livres, mais on a aussi eu d'autres choses. Putain. Donc entre autres, on a eu Cursed Child, l'enfant maudit, donc une pièce de théâtre écrite par J.K. Rowling sur l'univers d'Harry Potter. Et on va en parler plus tard, mais moi j'avoue je connais moins. Mais on a eu la chance, enfin je sais pas si on peut parler de chance, d'aller voir Les Animaux Fantastiques au cinéma. C'était affreux. C'était catastrophique. Ouais. Vraiment, la pire scène, je pense, c'est celle où il fait la danse de l'accouplement du rhinocéros. Où vraiment, c'était un malaise profond dans la salle. Un peu de mise en contexte. Qu'est-ce que c'est, Les Animaux Fantastiques? En fait, c'est l'histoire de Newt Scamander, le mec qui a écrit le livre sur les créatures magiques. Fantastic Beasts and Where to Find Them. Voilà, c'est ça. Donc, ça se passe dans les années 20, ça se passe à New York. Il va y avoir beaucoup d'autres films parce que justement J.K. Rowling a fait une espèce d'autre truc de personnalité, mais sauf que c'est pas comme les maisons de Poudlard, c'est-à-dire que t'as l'âme, le cœur, l'esprit. Chanteuse, en fait, enfin voilà, c'est un peu pareil quoi. Et le méchant, c'est Grindelwald, donc l'ancien amant de Dumbledore, qui va être joué par Jude Law. L'ancien ennemi, c'est pas Johnny Depp. Ouais, mais non, il l'aimait en fait. C'est pas Johnny Depp. Non, Jude Law, il va jouer Dumbledore. D'accord. Mais non, Johnny Depp, c'était le... C'est Grindelwald. Ouais. D'accord, ok. Et c'était extrêmement mauvais, en fait. Enfin, ah, c'était affreux. Vraiment, le scénario était très c'était mal écrit. C'était vraiment du fanservice pour capitaliser sur le sujet d'Harry Potter. Et puis, tu retrouves même pas l'essence de l'univers d'Harry Potter. Enfin, y a pratiquement pas de magie. Enfin, là, c'est vraiment le full. Ils pourraient avoir des mitraillettes à la place de leur baguette magique, quoi. Enfin, ouais. C'est juste extrêmement mauvais. Moi, c'était vraiment ce qui me dérange le plus, c'est de dire, comme va y avoir d'autres films, ça va être une énorme scène d'exposition pendant 3 heures, tu vois. Ouais. Et ça, c'est dur. C'est un peu le... Et la scène de fin qui ne se termine jamais. C'est clair, c'est niant, c'est lancinant en fait, vraiment, t'en as marre, t'as envie que ça se termine. Oui, on remue vraiment le couteau dans la plaie. Et puis les animaux faits dans une 3D dégueulasse, t'en as rien à foutre des personnages, tu t'attaches absolument pas à eux, t'es juste en mode mais putain, mais mourir tous. En plus, il y a eu tout un truc énorme sur l'acteur, et moi j'ai pas du tout été dans ce truc. Mais surtout, l'acteur, je sais pas pour vous, mais moi il me fait plus penser à un autiste qu'à un surdoué. Hein. Oui, il fait très autiste. Mais c'est pour ça qu'il a joué Stephen Hawking, quoi. Enfin, il est pas autiste, mais oui. Il est un peu modique. Si Stephen Hawking est en chaise roulante et qu'il parle avec une machine robot, c'est parce qu'il a une sclérose en plaques. Oui, non, c'est sûr, mais donc que c'est pas marrant, ok. Les autres, la mère de J.K. Rowling, d'ailleurs. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok. I came here to have a good time. Cette blague sera dépassée dans 3 mois. Ouais, grave. Elle est déjà dépassée. Ouais. Du coup, le livre. Bah non, mais du coup, est-ce qu'on peut parler du fait que Les Animaux Fantastiques, c'est vraiment tiré sur la corde très usée d'une saga qui... Ok, je sais que je vais mettre des gens à dos, mais qui a fait son temps. Non, mais il y a eu les livres, on a tous passé un bon temps et tout, mais on peut passer à autre chose. Mais elle se suffit en elle-même. En plus, ce qui est horrible, c'est qu'on a tous été hyper tristes quand ça s'est fini. Ouais. Et en fait, quand ça continue, on est encore plus tristes en mode non, mais détruisez pas. Là, t'es quoi, en train de violer le cadavre de... C'est ça. De mon enfance, quoi. Ouais, j'ai même pas lu le dernier bouquin, moi, parce que je suis pas tout à fait d'accord. C'est un peu avec comme, vous. Si, comme quand tu vas sur le profil d'un ou d'une ex, où t'avais un putain de souvenir, genre c'était ton premier amour et compagnie. Et que tu te rends compte que, putain, en fait, c'est une grosse beauf. Non, mais ça, parce que t'as un petit peu un truc de satisfaction. En mode, ah, il a raté ta vie, moi, j'ai réussi. Non, moi, je suis pas d'accord avec vous. J'aime pas trop cette idée de dire, non, il faut surtout pas détruire la saga. Non, pas détruire la saga. Non, mais si c'était un bon film, on le dirait. Mais c'est un film de merde. Moi, j'aime bien cette idée de faire des préquels, des spin-offs et tout. Je me dis... Bah, ton amour pour Prometheus en témoigne d'ailleurs. Et pour Star Wars. Ouais, là je retiens une insulte. Mais tu vois, il peut toujours y avoir quelque chose à raconter en plus, tu vois. Il peut toujours y avoir des choses intéressantes à dire en plus. Le fait est que ce film-là, Les Animaux Fantastiques, personnellement je l'ai pas vu. Bah, ne le regarde pas. Visiblement c'est raté, comme Prometheus était raté, mais si ça se trouve. Mais tu vois, par exemple, Star Wars 7. Moi j'ai trouvé que c'était réussi, tu vois. On en a déjà parlé. On va pas en parler à chaque podcast non plus. Non, mais par exemple, pourquoi est-ce qu'ils ont pas fait un truc sur les maraudeurs, c'est-à-dire sur l'enfance, enfin sur l'adolescence de James Potter, Sirius? Pourquoi ils ont rien fait aussi? Je sais pas, les maraudeurs, il y a plein de trucs à... Ouais, non, ça aurait pu être cool, ouais. Oui, non, mais pour des gens qui sont pas acquis à la cause Harry Potter, est-ce que c'est intéressant? Je suis pas sûr. Ouais, c'est intéressant parce que c'est un monde. Oui, si, ça peut. Hein. Ça peut. Le problème, c'est que même ça se sent dans la pièce de théâtre, c'est vraiment du fanservice. Et la pièce de théâtre, Bah, ça devait être génial sur scène, je pense. Non, mais de quoi tu parles? Ah, de Harry Potter et l'Enfant Maudit. En fait, à lire, c'est extrêmement décevant, parce que c'est pas comme un livre, enfin, je sais pas comment dire. Bah, après, ouais, pour défendre J.K. Rowling, lire une pièce de théâtre, à part si c'est Maupassant qui a écrit spécialement oui. Théâtre dans un fauteuil, c'est quand même très désagréable. Quoi. Oui, c'est désagréable, là, ça se sent vraiment, je pense que sur scène, ça devait être, enfin, pour peu qu'il y avait une mise en scène extraordinaire, ça devait être une expérience incroyable. Mais moi, je l'avais acheté direct en anglais, en mode « Oh, putain, j'ai trop bien !» Et je l'avais lu dans les transports. D'ailleurs, quand je passe devant Cultura ou la Fnac, quand le livre sort, je sais que le livre va sortir 3 jours plus tard en français. Ouais. Il est en VO, donc en anglais, partout dans les rayonnages, et il y a des gens qui les achètent. Mmh. Bon, après, voilà, c'est moi, mais les gens peuvent pas attendre 3 jours pour avoir une version française. Non, en vrai, c'était plus attendre 2-3 mois. Parce que je l'avais lu. Moi j'aurais été obligée vu que je sais pas lire l'anglais. Je l'avais lu en été et il était sorti en octobre en français. Mais après, c'était très mauvais dans le sens où c'est les enfants de Harry Potter et de Drago Malfoy qui sont meilleurs amis. Et du coup, le fils de Harry Potter il fait sa putain de crise d'ado en mode moi je suis chez Serpentard et toi tu m'as jamais aimé papa. Et donc du coup, t'as Harry Potter en papa, enfin genre c'est expédié. Si ça avait été un vrai roman avec quelque chose de bien construit, ça aurait été très intéressant à lire. Mais là, c'est vraiment, t'as l'impression de regarder les Marseillais quoi. Mais après, c'est ça, en même temps, faut se rappeler que c'est une pièce de théâtre donc ça devait être à voir en fait. Oui, mais aussi. Que c'est vraiment un truc, une suite pour continuer à faire vivre une série de ses cendres, quoi. Comme Boruto et Naruto, quoi. Déjà, Naruto à la fin, ça commençait à sacrément s'essouffler. Alors, en plus, c'est le fils de Naruto qui va faire ça, etc. Non, ça, mais... Moi, je vois à peu près pareil que. Mais il y a vraiment un côté très fanfiction dans la pièce de théâtre, pour le coup. Enfin, vais spoiler. Donc, d'autant si vous plus ne l'avez que c'est pas lu, J.K. Rowling qui l'a écrit. Elle a participé. Ouais, elle a participé. Elle a participé, okay. Je vais spoiler, donc si vous voulez, vous pouvez arrêter. Mais c'est qu'en fait, il y a la fille de Voldemort et Bellatrix Lestrange qui veut se venger et qui veut faire revenir c'est elle, au pouvoir. Bah ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Et t'es vraiment juste en mode, enfin, non, enfin, dans quel. Bon, tu peux le seul truc, c'est que l'idée que le fils de Harry Potter soit Serpentard. À la limite, j'ai trouvé ça sympa. Ouais, et qu'il soit meilleur ami avec le fils de Drago Malfoy, ouais, machin. Scorpio, hein. Ouais, c'est ça, à la limite, ça va, mais ça va pas plus loin en fait. Mais ça oui, va pas plus loin. Ça faisait vraiment. Enfin, quand je l'ai lu, je me suis dit, ça fait de la mauvaise fanfiction, quoi. Ça n'a aucun sens. Ouais. Mais de toute façon, moi, le fait quand on m'a dit ça allait être, j'allais lire une pièce de théâtre, je me suis dit non. Non, mais t'as des côtés. Enfin, pour la fan que j'étais, genre par exemple la réunion entre Albus Dumbledore et Harry, où ils se disent tout ce qu'ils ont pas pu se dire. Moi j'ai pleuré, enfin j'étais dans le métro et t'as Harry qui dit à Dumbledore I love you et t'as Dumbledore qui dit I love you too Harry, enfin je sais pas comment dire mais t'es en mode oh, ils se le sont enfin dit. Genre moi j'étais vraiment dans tous mes états, il y avait les gens qui devaient penser que je sais pas j'étais autiste ou j'en sais rien. Mais t'as quelque chose contre les autistes ce soir? Mais non. Tout de suite non, mais enfin voilà quoi. Enfin, en tout cas, ça reste une grande saga et on l'aura fait honneur ce soir. Je sais pas. Mais c'est pas terminé parce que il y a quelques jours, on a été servi d'un teaser formidable pour le prochain film Voldemort Origins of the Air. Ouais, mais par contre, c'est des fans qui l'ont écrit. Oui, non. Si. Ils ont des moyens, mais c'est un vrai teaser. Non. Oui, non, mais c'est pas parce que c'est fait par des fans que ça va pas être un vrai film. Ça va être un vrai film, mais c'est juste que c'est des fans qui l'ont financé et qui l'ont réalisé. Ouais. J'ai été trompée. Mais là, encore une fois, ça peut être intéressant, mais pourquoi? Enfin, on a dit tout ce qu'on avait à dire sur Voldemort. On a vu sa mère, on a vu son père dans 6. Non, moi, je suis contre de dire des choses pareilles, tu vois. Enfin, est-ce qu'on s'est dit à la fin de Star Wars 6, je suis sûr sur Star Wars, on a tout vu de Dark Vador, c'est bon, pas la peine d'expliquer. Bah si, on a tout vu de Dark Vador. Ouais, si, là clairement on a tout vu de Dark Vador. D'ailleurs, Star Wars 7, c'est pas du tout sur Dark Vador. Non, mais je te parle de la prélogie du coup, les 1, 2, 3, la menace fantôme et compagnie. Ah non, mais il avait prévu quand même. Il avait prévu, mais à la fin de Star Wars, le retour de Jedi, on s'est dit, il faut faire un Star Wars 1, 2, 3 parce que ça explique Dark Vador et que c'est intéressant par rapport à l'histoire et que ça apporte des choses, tu vois. Non, parce que c'était déjà prévu. C'était déjà prévu qu'il le fasse. Non. Si, attends. Oui, non, je suis d'accord, c'était déjà prévu. Parce qu'il voulait mettre le 1, 2, 3 avant. ils sont pas débiles. Ils savent compter. Oui, mais on aurait pu faire autre chose dans les 1, 2, 3 que de raconter Dark Vador, tu vois. Ouais. On aurait pu parler de. Enfin, le mec a créé Star Wars. George Lucas aurait pu parler de la chute de la démocratie dans Star Wars 1, 2, 3 sans parler de Dark Vador. Mais oui, la différence, mais c'est que là, c'est pas exactement ce qu'il fait, parce que c'est un faux procès de dire que 1, 2, 3 raconte que le début de Dark Vador. C'est aussi montrer la chute d'un système démocratique. Oui, mais il raconte aussi beaucoup la transformation de Dark Vador. Enfin, on n'est pas là pour parler de Star Wars. D'ailleurs, la preuve, là, mais... c'est pas J.K. Rowling qui continue quelque chose, en fait. Et du coup, la prochaine fois, on vous parlera de Twilight. Alors, vous aimez les loups-garous ? Vous aimez les vampires ? Vous aimez les mecs à moitié à poil ? Ah oui, tout le temps. Est-ce que vous aimez Kristen Stewart ? Non, personne n'aime Kristen Stewart. Si, elle est trop belle. Rigole, on dirait. C'est Tom Cruise en allez, à bientôt pour la semaine prochaine. Ouais, le mois prochain.